Vous êtes sur Indestar et comme tous les mardis, c'est J'ai vu de la lumière, alors je suis entré tout de suite. J'ai vu de la lumière, 21h-23h sur Indestar. Place à l'impro. Place à l'impro, en effet, petite voix, bonjour à tous, il est 21h, c'est J'ai vu de la lumière, alors je suis entré, bonjour. Bonjour. Donc on est 4 dans le studio, 4 comédiens, et on va aujourd'hui faire des improvisations scénarisées. Donc des scénarios, des squelettes de scénarios que j'ai écrits moi en amont, que les comédiens ne connaissent absolument pas. L'émission dure jusqu'à 23h et est disponible bien sûr sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify, en podcast et également sur le site d'Indestar bien sûr. Donc je vais vous présenter mes comédiens du coup, enfin mes comédiens un peu grand mot, il y en a qui vont gueuler je pense. Bonjour Marie. Bonjour comédienne. Tu vas bien? Oui ça va bien. Très bien, qu'est-ce que tu fais dans la vie Marie? Alors moi je suis styliste et je fais de l'impro à la clé en oui. amateur. La troupe, la compagnie La Clé en amateur, on est dans le même cours d'ailleurs. Hein. Oui. c'est pour ça qu'on se connaît. Cool, alors c'est ta première participation. Voilà, c'est la première fois. J'ai cru entendre tout à l'heure que tu étais un peu stressée, est-ce vrai? Bah surtout très excitée de, voilà. de cette première. C'est ce qu'on aime entendre. J'ai envie de m'amuser. Eh bah c'est très bien, et tu es venu là pour t'amuser et tu as tout à fait raison. Salut Christophe. Salut, salut. Salut, alors toi aussi c'est ta première fois dans l'émission. Et oui, moi aussi. Toi aussi tu es à la clé dans le même cours et que oui, moi d'ailleurs. Aussi. Et pourtant je ne suis pas l'ombre de Marie. Soit. C'est pas faux. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Christophe? Eh bien, je suis animateur scientifico-ludique et chercheur d'emploi. Quelle classe. Scientifico-ludique, c'est-à-dire que tu fais des jeux... De l'animation scientifique, un style c'est pas sorcier, mais avec des enfants ou des adultes, et puis aussi des animations autour des jeux, en général. Très cool. Tu étais à la Maison des Jeux, c'est ça? C'est ça, la Maison des Jeux de Touraine, qui vous accueille toutes les semaines. Formidable. Salut Thomas. Hola. Tu vas bien? Bah ça va, tranquille. Oui. Alors toi, c'est ta deuxième participation. Oui. Tu es à l'ESCAT, comme l'école d'audiovisuel, c'est ça? C'est ça. Tu fais plein de projets, de courts-métrages, de choses comme ça. On peut dire que tu es le président du studio Venu d'ailleurs. Aussi, oui, l'asso d'audiovisuel, qui accueille n'importe qui. Ok. Ta deuxième fois, est-ce que tu es plus serein que la première ou plus stressé que la première? Non, je suis serein, tranquille. Thomas, c'est vraiment la personne qui voit la lumière et qui entre. Ah oui, non, c'est totalement ça. Tout à l'heure. J'ai fait, bah s'il y a personne d'autre, ok. Et genre, je suis arrivé, bon bah tu viens, je fais, ah ok. Bah t'as proposé, donc j'ai dit oui. Salut Léo. Non, pas Léo. Oh putain. Eh oui. Salut Duchesse. Merci, donc, salut. Voilà, je t'avais dit que je raterais. Effectivement. Donc Duchesse, tu viens ici pour la deuxième fois. Ouais. Et la dernière fois, effectivement, c'était Léo, mais aujourd'hui, à partir de maintenant et pour les prochaines fois, ce sera Duchesse. Duchesse, voilà. Mon surnom de radio. Changement de personnalité, est-ce que tu veux nous en parler? Non, ça va très bien, t'inquiète pas. Il revient du Brésil, en fait. Non, rien donc, à voir. Donc Léo, tu es au conservatoire en cycle 2, tu as fait du théâtre à Nantes, plein, beaucoup. Oui, tout plein. Ouais. Plein. Tout plein, ouais. Tout à fait. Tu as fait un peu de radio aussi, ce que tu disais tout à l'heure? Ouais, j'ai fait un petit peu de radio en associatif. J'étais en école d'ingénieur à Nantes et il y avait une petite radio sympa. D'ailleurs, dédicace à Pirates, Schizo et Grincheux, mes trois premiers maîtres de radio. Ah, c'est stylé ça, voilà. Comment elle s'appelait la radio? Nuclérez, la radioactive. Eh ben, on fait des bisous à Nuclérez. En attendant, on est là sur Indestar. J'ai préparé donc 6 scénarios d'improvisation que je vais soumettre à mes comédiens. Je vais leur présenter aujourd'hui les thèmes. Donc il y aura un thème de livre pour enfants. Oh. On aura une improvisation qui sera basée dans un musée. Il se passera des trucs, vous verrez. On a une improvisation avec un ami qui vient squatter à la maison après une rupture difficile. Ouais, c'est assez dur de résumer une situation comme ça, hein, je vous avoue. On aura une improvisation qui se passera à l'époque de l'Antiquité, un peu un péplum. On aura une histoire chez Multix, bien sûr, Multix. Yes, Multix, les multiprises pratiques. Il a retenu, incroyable. Visiblement, il est connu. Multix, ouais, c'est une entreprise de multiprises, donc au demeurant fort sympathique. Une entreprise qui produit des multiprises. Des multiprises pratiques. Tout à fait. Je pense qu'on va en faire un jingle. Formidable. Et on aura une histoire qui parlera d'agents secrets. Voilà, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez des objections? Est-ce que vous avez envie de partir? Objection! Non, il y a toujours la lumière, donc on va rester. D'accord, formidable. Eh bien, avant de passer à la première improvisation, on écoute Léolène Cassio avec sa chanson Say It To My Face. A tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière, 21h-23h sur Indestar. 21h-23h, une reprise un petit peu difficile aujourd'hui. Donc, c'est parti pour la première improvisation de la soirée qui s'appellera Pichon au pays des schlags. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Ça donne envie de l'acheter, dis donc, ce livre. Alors, on va se mettre dans la situation où un auteur va dans une bibliothèque. Il va lire un passage de son livre. Puis après, il va y avoir un échange avec, avec les auditeurs, avec les gens. Les lecteurs, du coup? Les lecteurs. Et donc c'est l'auteur du livre « Pichon au pays des schlags » qui est un livre pour enfants. Qui est un livre pour enfants, mais avec un petit côté rebelle quand même. C'est-à-dire que le héros principal, Pichon, c'est un petit ours. Mais Pichon, le petit ours, rackette ses amis. Ses amis. Quel schlag. Il rackette ses amis, Titi le faisant, et Dédé la galinette cendrée. Oh. Voilà, rayons un petit peu avec les livres pour enfants. Donc, les personnages, ça va être très simple. Il va y avoir une personne qui va faire l'auteur donc, du livre « Pichon au pays des schlags ». Et les trois autres personnes vont être dans le public et vont pouvoir poser des questions après à l'auteur. Tout simplement. Et ensuite, il y aura une séance de dédicace. Est-ce que vous voyez un petit peu le délire? Oui, ouais. Formidable. Qui veut faire l'auteur de « Pichon au pays des schlags » Des schlags, pardon. Et on me dit que... Ouais, bah Christophe, tiens. D'accord, très bien, très bien. Tant bien, j'avais un projet de livre pour enfants. Oui, bah oui, tu bosses un petit peu avec les enfants, du coup, donc... Oui, justement. Ah merde, est-ce que tu as peur pour ta réputation? J'ai essayé de ne pas les racketter. Là, d'accord. Bon, tu dirais que c'est de ma faute si on te demande. Donc, au début de l'improvisation, je vais te demander de lire un petit passage de ton livre pour enfants, « Pichon au pays des schlags ». Donc, une petite impro sur le thème des livres pour enfants, des animaux et des schlags. Oui, c'est... tout à fait. Le schlag était très connu comme animal. Donc, tu vas lire une petite partie de ton roman. Et ensuite, il va y avoir, bien sûr, les autres qui vont faire des gens, des enfants, des parents atterrés, bien sûr. Parce que c'est quand même... Ou pas. Ou qui adorent le livre et qui sont fans. Bien sûr. Non, mais vous faites absolument ce que vous voulez. C'est pour vous dire vraiment que c'est libre. Comme vous êtes dans le public, vous pouvez faire tous les personnages que vous voulez. Même s'il y a quelqu'un qui veut faire Édouard Balladur, je ne saurais l'en empêcher. Il y a quelqu'un qui veut faire Édouard Balladur? Non, ça ira, moi, mais je passe. Personne ne veut jamais faire Édouard Balladur. Bref. Je peux faire Édouard Philippe, si tu veux. Bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, oui. Christophe, on commence, tu lis un petit passage, et ensuite, tu vas répondre aux questions. C'est bon pour tout le monde? Yes. C'est parti, Pichon au pays des schlags. C'est à ce moment-là que Pichon partit dans son automobile rejoindre le pays des schlags. Son automobile rouge sur la route faisait un bruit tellement vacarmant qu'il attirait tous les schlags qui le suivaient. Une file de schlags. Alors je l'ai pas dit, mais les enfants, vous pouvez réagir, bien sûr, poser des questions à la con. Très bien. Voilà. Une file de schlags suivait la voiture. Lorsque Pichon pila, tous les schlags qui la suivaient à la même vitesse. Ça veut dire quoi, Pichon pila? Pichon pila? Mais voilà, mais quel âge as-tu? J'ai 8 ans. Ah, pila, c'est le participe passé du passé simple du verbe piler, en fait. D'accord, donc ça veut dire que Pichon s'épile dans la voiture. Est-ce que tu as déjà pris la voiture avec ton papa oui. ou ta maman? Eh bien, quand d'un coup ton papa ou ta maman regarde son téléphone en conduisant et qu'il se rend compte qu'il y a un feu rouge, il pile. Ah, d'accord, merci. J'en étais où, moi? Pichon pila. Ah, Pichon pila. Oh, ces enfants. Et oui, donc tous les schlags foncèrent dans la voiture. Il y eut un tas de schlags contre le coffre de Pichon. Pichon descendit, et là, oh, quelle surprise! Il croisa son bon ami Dédé la galinette cendrée. C'est quoi une galinette cendrée, monsieur? C'est... Attends, je vais te faire un dessin. Voilà, regarde, on dirait un corbeau, mais en fait, c'est une galinette cendrée parce que je ne sais pas dessiner. D'accord. Excusez-moi, mais je suis ornithologue, excusez-moi. Vous m'avez l'air parfaitement humaine, madame. Et je ne suis pas du tout d'accord avec votre croquis de galinette cendrée. Hein. C'est quoi une ornithologue ? Alors, attends, je vais te faire un dessin. Ça, c'est une ornithorynque. Et ça, c'est une ornithologue, dit-il en montrant la dame. Oui, oui, car parfois dans la vie, je parle comme si j'étais dans un livre aussi, excuse-moi. Alors... Je trouve ça... Je suis offusqué déjà. De galinette cendrée, c'est... Vous croyez que c'est facile? Peut-être c'est moi qui ai fait toutes les illustrations de mon livre. Alors si vous êtes plus doué que moi, allez-y, prenez le papier, le crayon, et allez-y, dessinez-moi une galinette cendrée. Montrez à tous ces enfants qui sont venus... Ah oui, oh oui, dessine-moi une galinette cendrée. Oui, alors... Je vais vous dessiner une galinette cendrée. Déjà, un mâle ou une femelle. Dédé, c'est Dédé. Dédé. Oui, bah Dédé, ou comme vous voulez l'appeler. Déjà, je trouve ça un peu limite. Excusez-moi, mais de donner des noms aux animaux comme ça, quel exemple vous donnez Oui, bah ça, c'était mon éditeur, j'ai pas eu le choix. C'est quoi un éditeur? Alors, bah, c'est plus moi qui la feuille pour faire des dessins, mais un éditeur, c'est le monsieur là-bas au fond qui nous regarde en faisant la tête. Donc c'est quelqu'un qui est pas content? Si vous achetez mon livre, il sera très content. D'accord. Papa, je peux acheter le livre du monsieur? Oh, putain, t'es sûr? On en a déjà plein à la maison. Puis il coûte cher, celui-là. Oh. Bien, est-ce que vous voulez que je continue à lire ou on passe à la séance de dédicace? Ok, bon, on va continuer à lire, a priori, puisque vous savez pas ce que c'est qu'une dédicace non plus. C'est quoi une dédicace? C'est tout à l'heure quand vous allez me payer pour que j'écrive des trucs dans les livres. Oh, trop bien! Papa, on pourra payer le monsieur pour écrire des trucs dans le livre? Non, mais puisque encore, moi je t'écris des trucs, mon fils. Oh. Lorsque Dédé reconnut Pichon, il sortit immédiatement son portefeuille, car Dédé avait l'habitude de se faire racketter. Et le portefeuille de Dédé était vide au grand désespoir de Pichon. Alors, il eut l'idée de le remplir de schlack. Car un schlack est un tout petit être qui tient dans un portefeuille. Et quand on les empile, ça fait des piles de schlack. C'est bon, Michel, arrête-toi là, sinon ils vont pas acheter le bouquin, ils vont juste écouter parler. Ok. Oh, messieurs, dames, on va prendre vos questions à partir de maintenant, s'il vous plaît. Oui, bonjour, représentante du comité chrétien, dites-moi, vous avez pensé aux enfants en écrivant ça? Je trouve ça honteux, franchement, c'est n'importe quoi. Exactement. Je brûlerais en enfer. Oui, il a raison, c'est n'importe quoi. Il faut apprendre aux enfants la dure réalité de la vie, voyons. Salaud! Mais vous voulez encourager à racketter leurs petits camarades? Mais c'est parce que je n'ai pas lu jusqu'au bout. À la fin, Pichon, justement, apprend que ce n'est pas bien. Ah, et on vous spoilait, en plus. Et vous dévoilez la fin, vous pouvez être fiers de vous. Ah bah bravo. Non mais là, c'est même plus l'enfer, là, monsieur. Là, vous rejoignez Satan, là. Ouh! L'enseigne des tomates. Question suivante, s'il vous plaît. Question des tomates. Moi, j'aurais une question. Je voudrais savoir si vous êtes inspiré de vous-même pour le personnage de Pichon, votre force, votre courage, vos muscles. Je trouve que c'est très ressemblant. C'est très flatteur, merci. Eh bien, c'est-à-dire que tout ce qu'on écrit est toujours un petit peu autobiographique, hein, je dois dire. Donc, Vous faites un très bel ours. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Grobil, je suis le représentant du syndicat des racketteurs officiels. Je trouve que vous stigmatisez un petit peu la communauté des racketteurs. Alors ce serait pas mal que... Ouais, bah vas-y, réponds, vas-y. Vous pouvez me poser les questions sans me menacer, par contre, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas une menace, ça, c'est juste une lame de 12 cm, ça va. Oui, d'accord. Réponds, bâtard. Vas-y, non mais réponds à ma question. Non, mais, t'arrêtes de nous stigmatiser la gueule, ok? Ok, je vous stigmatise pas, ok, j'arrête. Très bien, et puis, file-moi ton portefeuille pendant qu'on y est. Attention, il est plein de... Oh merde, je crois que j'ai fait une connerie. Oh putain, qu'est-ce que t'as fait? Vas-y Gaspard, on se taille. Ah bah je vous ai dit que c'était autobiographique, mon portefeuille est plein de schlack. Ah là, mais c'est dégueulasse, il y en a partout, on se taille. Ouais, est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, bonjour, je suis prof de philo. Je voudrais savoir si le fait que Pichon ramasse plein de schlack comme ça, est-ce que c'est un petit peu une métaphore de l'enfance traumatique, peut-être? Peut-être que Pichon, il est vrai, dans le premier volume, a eu des problèmes avec ses parents. Mmh. Et il a toujours rêvé d'être un pichet. Et donc, il est un petit peu perturbé par son identité personnelle. Donc, c'est un Oedipe encastré dans une métaphysique. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Je l'avais compris. On est bien d'accord que Titi, le faisant, son ami, représente son subconscient. Son subconscient, son inconscient et son surmoi. Oh, je n'avais pas vu ça. Très malin. Vous irez loin, vous savez. Et moi, je voulais dire, j'avais adoré quand il a mis la tête de Titi dans les toilettes et puis qu'il l'a enfoncé, et il a mis des delfaisans dedans. Après, il leur a vomi dessus et il leur a fait caca dessus. Oh, franchement, ça, je trouve ça trop rigolo. Et puis après, il leur a coupé les pattes et il a mis la tronçonneuse dans les toilettes. Ça, c'est mon, mon passage. J'adore que mon babysitter raconte tous les soirs. Quoi ? Il y a ça dans votre livre. Alors, nous, au nom de la communauté de tous les chrétiens de France, nous vous condamnons, monsieur. C'est inadmissible. Vous avez vu l'exemple que vous donnez à nos jeunes. Voilà. Pensez à Macron. Il serait fier de vous, Macron. Non, je ne crois pas. Évidemment. Alors, techniquement, non. Il n'y a pas ça dans mon livre, puisque ce que relate cette jeune fille se trouve dans le volume précédent, qui était Pichon découvre les urinoirs. Oui, mais c'est vous qui l'avez écrit, non ? Urinoir sur blanc. Oui, j'ai les urinoirs sur blanc, comme dit mon éditeur. Mais moi, j'ai essayé avec ma petite sœur, elle a pas trop aimé. Mais vous avez vu l'exemple que vous donnez ? Elle a essayé avec sa petite sœur. Vous êtes fiers de vous ? Bah, sa petite sœur est beaucoup trop grande, sans doute. Pour. Bon, oui. Messieurs, dames, s'il vous plaît, un petit peu de calme. Je vais vous demander de... Mais calmez-vous. Mettez-vous en file, on va passer aux dédicaces. Moi d'abord. Oui, alors comment tu t'appelles? Je m'appelle Sophie, c'est moi qui ai adoré votre livre. Est-ce que vous pourriez signer avec votre sang? Oui. Alors attends. Il faut que tu me frappes très fort pour que je saigne un peu. Ouais, on n'a qu'à demander, les racketeurs, ils ont laissé une lame. Ah oui. Je l'ai retrouvé. Voilà. Je te coupe un peu le doigt. C'est bon. Wow. Ça te dérange si j'écris faisant une grosse tache ton nom ? Non, j'adore les taches de sang. Voilà, merci, c'est bon. Oui, salut. Tu sais, c'est moi, là, de la communauté religieuse, machin. Bon, oui. Bah, en vrai, voilà, je suis obligé d'être comme ça parce que bon, on me regarde, tu vois, mais ça te dirait. Tu peux me signer le livre ? J'ai bien vu dans tes yeux qu'en fait, tu ne pensais pas un mot de ce que mais tu voilà, ce que mais tu m'excuses, hein. Et quel est ton nom, du coup ? Moi, c'est Saint-Michel. Saint-Michel, ouais, carrément, ouais. C'est pour ça que tu as des auréoles sous les bras. Exactement. Alors, voilà, tiens. Saint-Michel, t'es où ? Saint-Michel ! J'arrive. On doit aller lui casser la gueule à l'auteur, là, t'es où ? J'arrive. Monsieur, bonjour. Bonjour. Oui, je voudrais une dédicace pour mon fils, il s'appelle Patrick. Patrick. Ouais, il est extrêmement fan, je suis content de vous rencontrer pour ça, d'ailleurs. Patrick, ouais. Tendrement. Oh, oui. Joseph Pichon. Oh, merci beaucoup, monsieur Pichon. Continuez à faire, hein, mon fils adore. Hein. Ouais, voilà. Il a aussi mes précédents. Ah oui, il a tout. Ah, il bah, a tout. Bien, très bien, il a acheté tout. Même votre échantillon d'ADN que vous avez mis sur eBay, oui, à l'époque, oui. Il l'a aussi. Ah, c'était lui. Ah. Ah, très bien. Attendez, je vais rajouter un petit cœur en dessous. Oh oui, merci. Voilà. Oui. Et moi, j'aimerais bien votre numéro de téléphone, le livre, j'en ai pas besoin. D'accord, mais par contre, il me faut un support pour l'écrire. Donc, Écrivez-moi sur mon corps. Très bien. À bientôt. Voilà. Bon, messieurs, dames, je vous remercie, la dédicace est terminée. Alors, remballez toutes vos armes, là, c'est pas aujourd'hui. Voilà. Oulera, non, frère ! Désolé pour ceux qui ne l'ont pas eu, je serai la semaine prochaine à la FNAC de Loche. Et à bientôt. Alors à bientôt sur Loche, on te crèvera. Ouais, on te raquettait, mon gars. Pichon. Merci pour cette première impro. Incroyable tout ce qui se passe, hein, dans une... T'avais prévu des trucs comme ça ? J'avais prévu des trucs comme ça. Comment ça ? Qu'on aille faire des trucs comme ça. Ouais, je me doutais bien que ça partirait un petit peu en live, ouais. Avec sujet comme ça. Ça m'aurait déçu que ça parte pas en live. Eh ben, je vous remercie. On écoute, avant de passer à la prochaine chanson, une chanson d'Annie Lu qui s'appelle Kiss Me. A tout de suite sur Indestar. Hop. Ah, y'a Théo. Pile au bon moment. Ouais. Kiss me. Nightly, beside the green grass, swing, swing the spinning set. You wear the shoes, and I will wear that dress. Whoa, kiss me beneath the Milky Twilight. Leave me around the moon. second. J'ai vu de la lumière. C'est jusqu'à 23h sur Indestar. Tout à fait, jusqu'à 23h, on est ensemble pour faire de l'improvisation scénarisée avec mes comédiens Marie-Christophe Thomas et Léo. Duchesse. Merde, j'étais certain que tu l'aurais. Je t'ai dit, au début je vais m'en souvenir, ensuite pas du tout. Bah voilà. C'est le début était très court a priori. Duchesse. Donc on est parti sur un autre thème, vous l'avez vu sans doute sur Facebook, l'improvisation va se passer dans un musée. Et qu'est-ce qui se passe dans un musée? Répondez. Il y a des statues. Il y a des statues. Et il y a des visites. Des touristes. Tout à fait. Des gardes, oui, mais là, il n'y aura pas de gardes. Moi, je ferai une statue. Musée. D'ailleurs, info intéressante, si jamais vous êtes jeune, chers auditeurs, jusqu'à 26 ans, c'est gratuit le Louvre. Donc, franchement, oui, c'est vrai, profitez-en. C'est génial. Et tous les premiers samedis du mois pour les autres, il me semble. Et si vous voyagez, beaucoup de musées sont gratuits à l'étranger. Oui, c'est vrai. Tout le monde. Ouais, bah, ça, en France, un peu moins, mais à l'étranger, il y a beaucoup de musées gratuits pour les jeunes. Ouais. Tout à fait, donc on va se retrouver dans un musée, alors à peu près n'importe lequel, hein, musée n'importe quoi de toute façon. Il va y avoir une visite guidée avec un chef de groupe. Un musée d'art quand même. Un musée d'art, oui, bien sûr. On peut pas être au musée. Vous voulez voir des dinos ? Au musée des multiprises. Alors disons que ça va être de l'art mais généraliste. C'est-à-dire qu'il va y avoir le chef de groupe à qui je vais présenter les objets avant et qui va devoir faire comme s'il connaissait bien l'objet, qui savait l'auteur. Et qui va devoir essayer de passionner un petit peu les gens qui vont l'accompagner. Donc pour cette improvisation, j'ai besoin de vous quatre. Donc il y aura un chef de groupe, il y aura un touriste anglais, il y aura un archéologue, et il y aura un vieux prof à la retraite. Un vieux prof de philo à la retraite. Un prof pour le prof de philo. Je m'en doutais. T'as une licence de philo toi Thomas, c'est ça hein? Oui. Ouais. Touriste anglais, qui se sent de faire un petit accent anglais? Christophe, formidable. Et tu parlais anglais, pas que l'accent. Hein. Je peux parler anglais. Tu peux parler l'anglais de la France. Tu es bien anglais. Fais un petit peu le débrouillardise de croissant. Et Marie, donc, je vais te demander de faire une archéologue. D'accord. Ça te va? Donc, tu connais un petit peu les sujets, tout ça, il va se passer. L'archéologie. C'est dans un musée. J'en déduis que je suis le chef du groupe. Eh ben oui. Donc, quand tu dis chef du groupe, c'est. C'est-à-dire le. En gros, t'es le guide. Pas le conservateur. Ouais, le guide, voilà. Le très guide, bien. D'accord. The guide. Tu vas devoir présenter toutes les œuvres à ton groupe de touristes. Très bien. Qui paye, et donc tu es payé pour ça, donc voilà. D'accord. C'est un peu comme si on passait la nuit au musée. Un petit peu. Le film. Oui, bah oui, voilà. J'avais bien compris. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. All good for me. C'est bien. Oui, c'est bon pour moi, je suis on est parti de musée. Pour une visite au musée tout de suite sur Indestar. Alors Léo, je vais te demander de présenter des œuvres d'art. Donc la première, c'est une cuillère qui est juste sur un socle. Et voilà, tu vas devoir la présenter. Alors, mesdames et messieurs, devant vous, vous pouvez voir cette magnifique œuvre qui s'appelle « Courbure du temps », qui est faite avec une cuillère. Vous voyez cette cuillère, cuillère en inox, bien sûr. L'artiste s'appelle Kanskai, il nous vient de Finlande. C'est une œuvre absolument incroyable par la délicatesse du déposé de la cuillère, évidemment, car c'est effectivement une œuvre qui est éphémère, car... il vient la chercher tous les matins, il la repose tous les midis. Oh my god. Oui, tout à fait, c'est impressionnant, je sais. Et effectivement, c'est le déposé de la cuillère qui est impressionnant, donc n'hésitez pas à revenir demain pour voir le déposé de la cuillère qui fait partie vraiment d'un genre de transcendance de l'objet au cœur de l'humanité. Voire même de la transhumanité, parce qu'il y a eu aussi une forme de rappel au cyborg. Il y a une grosse influence de la science-fiction dans l'œuvre de cet artiste Kanskai, un grand fan notamment de Isaac Asimov. Et vous pouvez voir d'ailleurs qu'il n'a pas choisi n'importe quelle marque de cuillère. La marque de cuillère s'appelle Robotax. C'est il y a robot dedans. Robotax, très connu. Oui, bah, la fameuse marque de cuillère de Robotax. Taxe sur les robots. Ah, alors non. C'est un rapport avec la fabrication, Les machines. Oui, c'est exactement ça. Voilà. La déshumanisation. Ah, effectivement, il y a une vraie critique de la déshumanisation, notamment au travail, le travail à la chaîne, etc. Oui, oui, une vive critique à l'égard de ce genre de choses. Oui, tout à fait. Je dirais même plus, de l'ultra déshumanisation. Voilà. Oui, c'était bien nécessaire de préciser. Merci, monsieur. De la perte de l'artisanat, de la cuillère unique. Exactement, voilà. Bah, oui, tout à fait. Je veux dire même plus de l'ultra unique. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous savez, quand il vient reposer la cuillère, s'il lève le petit doigt? Alors, non. Alors, désolé, mais... no, they do not lever the little finger. Okay. Vous préférez en français ou en anglais? Ah, c'était de l'anglais. J'essaye. Oui, non, très bien. Je comprends. L'audio guide est parfait. Ah, très bien. Eh bien, continuez à écouter votre audio guide de votre coin. Là, hein. Alors, je vais te demander d'avancer, Léo, et de présenter une poubelle qui traîne dans la coin. Ah, très bien. Voici maintenant, nous avançons sur la deuxième œuvre. Cette œuvre, c'est ma préférée de tout le musée, hein, si je dois être honnête avec vous, c'est un petit peu personnel. C'est une œuvre de Jacques Dubœuf. Il est directement inspiré de Marcel Duchamp, le fameux artiste moderne. Marcel Duchamp qui avait mis l'urinoir à l'envers, lui, il a mis cette poubelle à l'endroit. Et là, Thomas, en tant que prof de philo pragmatique, je vais te demander de révéler au guide que bah, c'est juste une poubelle, en fait. C'est une poubelle qu'on y a pour mettre des trucs sales. C'est reparti. Excusez-moi, si je peux me permettre. Je pense qu'elle est juste là, la poubelle, en fait. Désolé de vous décevoir, mais c'est juste une poubelle. Non, ce n'est pas n'importe quelle poubelle. C'est une poubelle de Jacques Dubœuf, s'il vous plaît. Une poubelle et qui n'est pas... Attendez, regardez. Regardez ses finitions. Alors, bon, enfin, c'est pas lui qui l'a faite, évidemment. Il l'a acheté chez... dans un magasin ou que sais-je. Mais regardez un petit peu. Et surtout, il ne l'a pas posée n'importe comment. Regardez comment la pédale de la poubelle est dirigée exactement à 30 degrés par rapport à quelqu'un qui entrerait dans la pièce. Est-ce que vous comprenez la métaphore? Alors, désolé, mais je suis un petit peu professeur de philosophie et ce genre de choses n'échappe pas, vous comprenez bien. Et c'est pour ça que je peux me dire que vous dites de la merde, monsieur. Je ne veux pas vous insulter, mais un petit peu. Ok, je vais vous demander d'avancer dans le musée. Et là, Léo, il y a un vieux grimoire égyptien. Romain, par exemple, romain. Et je vais te demander de lire un petit passage de ce grimoire en latin. Tu très veux bien, présenter... parce que lire en hiéroglyphe, c'est plus difficile. Ouais, bah ouais. Oh, si tu veux. Tu veux tenter? Allez, en latin. Comme tu veux. Je vais lire un petit passage en latin. Très bien. Alors maintenant, nous passons dans la partie histoire du musée. Nous voici dans toute la période antique. Ça fera plaisir. C'est vrai qu'on a assez peu d'archéologues qui viennent dans le musée. Donc c'est vrai que parfois on fait 2-3 petites erreurs, mais personne ne les relève. Donc c'est pas un problème. Il y a donc ce magnifique grimoire ancien qui a appartenu à l'empereur Jules César lui-même et qui dit ceci. Lorem ipsus dolorem casus cave canem, ce qui veut dire bien évidemment gloire à l'Empire romain et que les petits cœurs cisaillent des framboises. Alors, je voudrais préciser qu'à l'époque romaine, il n'y avait pas du tout de framboise. La framboise a été importée par Christophe Colomb lui-même en même temps que les tomates à la découverte de l'Amérique. Donc c'est excusez-moi, je suis guide, je pense que je sais de quoi je parle. Non, tu ne sais pas de quoi tu parles. Parce qu'à la lecture de ces paroles, le touriste anglais a eu soudain un malaise. C'est pour ça que je ne dis plus rien. La volonté d'un ancien dieu s'est rendu dans son esprit. Il va donc avoir à l'esprit maintenant la destruction de la race humaine. Est-ce que tu vois où je veux emmener le bordel? D'accord. C'est reparti. Donc oui, je sais ce que je dis quand même. C'est, monsieur, ça va? Je vais très bien. Très bien. Vous avez perdu votre accent anglais, monsieur. Tout va bien, vous êtes sûr? Je n'ai pas d'accent anglais. Ah, c'est le... J'étais enfermé dans ce grimoire pendant 47 000 ans, 125 jours, 8 heures et 37 secondes. C'est sérieux, je connais bien ce grimoire. Je pensais que c'était une légende, mais c'est possible que ce soit véridique. Toi, tais-toi. Ah, bah, oh et, si vous pouviez lâcher le cou de la dame. Oui, ah, bah, trop. Hein. Je dirais bien qu'elle est ultra morte, là, effectivement. Oui, oui monsieur le professeur de philo, c'est pas le moment. Plus que 7 milliards. Ah, oui, alors non, alors je ne suis pas sur la liste, moi. Je ne suis pas un humain, je suis guide. C'est bien ce qu'il me semblait. Mais voilà. Dites-moi, c'est... À ce moment-là, monsieur le guide, tu vas appeler la sécurité. Très bien. T'as un talkie-walkie et tu vas l'appeler. Alors, excusez-moi un instant, monsieur le monstre. Je m'occupe de ce groupe de Chinois pour l'instant. Non, laissez les temps. Sécurité, sécurité. Sécurité. Oui, on arrive. Oui, il y a un genre de monstre qui est sorti d'un livre et qui a pris. Alors, il y a des Chinois qui meurent. Il y a une touriste qui est morte. 15 minutes plus tard. Le suspect, l'anglais, est neutralisé et est dans une des salles du musée où les gens vont venir l'interroger. Donc bien sûr, tout le monde a plein de questions pour cet esprit. Donc voilà, le philosophe va essayer de savoir d'où il vient, l'archéologue qui n'est pas morte parce que, bon voilà, Mario, ce sont des Il y a aussi. Une deuxième archéologue voilà, dans le musée. Voilà, il y en a une deuxième presque pareille, calmez-vous. Voilà, sa sœur jumelle tout à fait. Au troisième degré. Et le guide, bien sûr, tu vas essayer de guider. Te demander ce qui s'est passé en fait. Pourquoi lui? Pourquoi cet homme? Qui est-il? C'est reparti. Alors dis-moi, saloperie. Hein, bon, alors j'ai une première question. Comme t'as vu déjà tout le passage dans le musée. Alors premièrement, qu'est-ce que tu penses de l'œuvre de la poubelle qui est à l'endroit? Parce qu'on n'était pas du tout d'accord avec l'autre là. Oui, réponds-nous. C'est la plus importante, ça. Je trouve que cette œuvre, c'est la poubelle du musée. Ah, évidemment. Voilà. Ben oui, bien sûr que c'est la poubelle du musée. Attends, oui, enfin c'est une œuvre, hein, une œuvre poubelle, hein. Lâchez-moi et je vous montrerai de plus belles œuvres encore. Ah, oh, ça m'intéresse. On le libère? Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, bon. Mon cher. Bon, bah si quelqu'un a des questions à lui poser. Mais bon. C'est une chose unique, hein. Je suis archéologue de Chine. Oh non, pas la torture. Pas la torture. Et pour moi, c'est déjà exceptionnel d'être ici en Europe. Et ce crémoire, je suis vraiment. Je n'en peux plus d'avoir vu en réel cette œuvre, même si vous avez massacré mon groupe. Je voudrais pouvoir savoir ce qui se passe, ce qui s'est vraiment passé, la chute de Jules César. Bon, je récapitule, elle a demandé qu'est-ce qui s'est passé à la chute de Jules César. Ça va pour vous, monsieur l'anglais monstre? Jules César a été poignardé par son fils. Alors, Brutus. On le savait déjà, ça, non? Oh, mais pourquoi je suis attaché? Non, revenez l'esprit, s'il vous plaît, j'ai encore une question à vous poser. Mais c'est à moi que vous parlez? You're talking to me? Yes, we are talking to you because just before you were a monster, no? Well, just because I'm English, you're saying that. No, we are not racist to the English people. Sans vouloir la rajouter, je dirais que oui, effectivement, il est raciste. Quoi? Vous êtes raciste? S'il vous plaît, ce n'est pas le sujet. Mais je sais de quoi te parle, je suis professeur de philosophie. Oh, mon professeur, j'attise le racisme dans l'humanité. Bonjour, je suis le conservateur du musée. Ah bah, monsieur le conservateur, regardez, c'est incroyable. Je vous attendais. Ah, monsieur le conservateur, alors, la poubelle. Mais calmez-vous, vous voyez pas que vous avez... Qu'est-ce que vous êtes? Vous aimez tellement la poubelle, regardez, par la pensée, je vais vous y envoyer... Non, je suis dans la poubelle. Écoutez, arrêtez, on peut sans doute convenir d'un accord ensemble, d'accord? Il y avait trois fois accord dans votre phrase. Oui, certes, c'est mon mot préféré, mais dites-moi qui vous êtes, s'il vous plaît. Je suis Lucius Maleficius. Formidable! Le savant antique qui a été banni de son village, c'est ça? Oui. Alors écoutez, je vous propose un truc. Tous les mercredis, j'ai des enfants qui viennent. Ils font chier le monde. Est-ce que ça vous dirait de les rencontrer? C'est des enfants, quoi. Oui, des enfants, oui. Si vous faites ça et je vous laisse la vie sauve, d'accord? Et je dois faire quoi avec ces enfants? Ben, vous leur parlez, vous répondez à leurs questions. Ils sont super curieux. Oh, d'accord. Trois semaines plus tard, donc Lucius fait des visites pour enfants. Donc je vais vous demander tous les trois de faire des enfants. Des enfants candides, des enfants espiègles. Chinois. Chinois, si tu veux. Et vous allez poser des questions à ce savant antique. C'est reparti. Voilà, donc nous avons fait le tour du musée. Et ne faites pas attention à ces jambes qui dépassent de la poubelle. Ce n'est pas une œuvre. Monsieur, c'est vrai que vous avez vécu à l'époque des Romains? Oui, tout à fait, tout à fait. Oh, trop bien! Et vous avez rencontré Astérix? Astérix, oui, oui, oui, oui, oh, je m'en souviens bien. Oh, et Obélix? Il est tout petit, Obélix. Hein. Ah bon? Oui. Vraiment? Oui, oui, oui. Et il est vraiment tombé dans la marmite de potions magiques? Je n'étais pas là, j'étais du côté de Naples. Oh! Et il passa le reste de sa vie à répondre à des gamins imbéciles. Libérez-moi. Merci beaucoup pour cette improvisation. De rien. Les enfants sont candidats. Là. My pleasure. Ça fait beaucoup de fois qu'on parle d'enfants dans cette émission. Oui. Pourtant, c'est pas thématique du tout. Hein. Bon, voilà. Avant de passer à la prochaine improvisation, on va écouter Beau Gosse. Beau Gosse, c'est le titre de la chanson. Ah, c'est j'ai cru qu'il fallait que je parle. Avec Treasure Respect. A tout de suite sur Indestar. Des bisous. J'ai vu de la lumière. 21h, 23h. Sur Indestar. C'est reparti pour J'ai vu de la lumière. Alors je suis entré, votre rendez-vous hebdomadaire d'improvisation scénarisée. On repart avec une improvisation qui s'appelle Posey Canapey. Oh ouais. Est-ce que ça vous parle? Ouais, ouais. Donc, c'est une situation assez commune, communément traitée dans certains médias. Ce qui ne veut absolument rien dire, cette phrase, notez-le. T'as vu, hein? L'art de ne rien dire. Tout à fait, mais je le note. Mais en je même le temps, note, il a dit quelque chose. Ouais. Donc, on va avoir un personnage qui s'appelle Jean Didier. Jean Didier est un ancien militaire. Et Jean Didier vient de se faire larguer par sa copine. Il vit très mal cette relation et va se réfugier chez son pote Michel. Cette non-relation, du coup, on peut dire. Cette rupture. Fin de relation, cette voilà. Rupture, merci. Cette situation. Ah, voilà. Merci. Et il va se réfugier chez son pote Michel, qui est marié avec Martine. Donc, c'est dimanche. Pour la première scène, c'est dimanche. Martine et Michel tentent d'apprécier leur dimanche et Jean Didier va arriver comme une tornade dans leur vie. Et ensuite, il va se passer des trucs. Est-ce des trucs. Des trucs. D'accord. Ouais, non, des trucs. Pas des trucs. Ah, d'accord. Parce que je vois très bien. Des histoires. Des histoires, voilà. Des choses qu'on peut raconter à la radio sans avoir de procès, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, alors, qui veut faire le personnage de Jean Didier, l'ancien militaire bourru. Bourru. Bon, moi, je vais prendre une femme. Comme tu veux. Ah, tu peux. Tous les persos sont transposables en femme, hein, bien sûr. Eh ben, Thomas, Léo. Non, moi, je veux faire les trucs qui arrivent, moi. Ah, d'accord. Ça aussi. D'accord, bah, Léo, tu feras, ouais. Je te garde en stock, du coup. Ouais, donc, je peux faire le... Christophe, tu nous fais un petit Jean Didier? Si vous voulez, mon caporal. D'accord, très bien. Thomas, tu prends Michel, du coup? Ouais, c'est le copain, c'est ça. C'est le... C'est l'ami qui est marié avec Martine, du coup. Sauveur. Et d'accord. Donc, Martine, Marie, oui, tout à fait. Oui, trop de pronoms, là, je commence à me perdre. Moi. Je fais l'appel. Jean-Didier. Oui, oui, chef, oui, chef. Michel. Oui. Martine. Oui. Rôle secondaire. Oui. Formidable. Les trucs. Non, mais j'ai retenu. Les trucs. Les trucs. Tu fais le canapé. Le canapé. Sois confortable, s'il te plaît. Je suis un canapé. Ok, on est prêt. Donc, sur moi. Pour la c'est du vrai velours. Voilà, qu'est-ce qui se passe en studio? Heureusement qu'il n'y a pas de vidéo. Donc c'est dimanche, Martine et Michel apprécient leur dimanche et Jean Didier arrive. Et donc Jean Didier, bien sûr, va s'imposer dans leur vie, mettre ses pieds sur la table basse et même pas de mettre. Même ouais, pas mettre ouais. De dessous de verre. D'accord, c'est pas faux. Sous sa bière. C'est bon pour tout le monde? Oui! Et donc la première scène, il y a juste Martine et Michel. C'est parti, posez canapé. Ah bah ça c'est un bon dimanche Martine, hein, ça je sais pas ce que t'en penses, hein, mais oui, j'espère qu'il y a personne qui va venir nous déranger, hein. Ah oui, ça serait dommage, hein. Ah ouais, non, juste toi et moi, là, sur le canapé. Ah bah oui, puis là en plus il y a Nagui à la télé, alors là c'est le top top top, hein. Et maintenant dans Taratata, nous accueillons Jean-Michel Jarre. Ah bah en plus c'est Jean-Michel Jarre. Ah oh, j'adore Jean-Michel oui, Jarre. Oui, oui, oui. Mais du coup c'est... Ah. Oh putain, qui c'est ma... Oh, bordel. Oh, n'ouvre pas. Bon. Non, ok. On va rester avec Nagui. Oh, bordel de... Bon, je vais ouvrir, Martine. Ah Salut, désolé, je débarque à l'improviste. Je me suis fait larguer. Ah, oh, bah c'est ballot, ça. Qui? C'est Jean Didier. Il s'est fait larguer. Ça te dérange pas si je pose mon sac ici, comme d'habitude? Ah bah là, ça tombe mal, tu sais, il y a Nagui à la télé, alors. Ouais, non, mais t'inquiète, faites comme vous faites d'habitude. Je vais me faire tout petit, je prendrai pas beaucoup de place. Ah bah si tu veux, il y a la niche du chien là-bas. Ça peut peut-être marcher, alors. Ouais, c'est un canapé 3 places, donc vous avez. Non, là, tu sais, avec Martine, ça fait que 2 places. Hein. Alors, donc il y a une chambre d'amis où tu peux l'installer. Et Michel, je vais te demander d'être quand même. C'est ton ami, quoi. Oh, mais il y a Nagui à la télé. Oui, mais... D'accord. C'est le personnage qui place Nagui en haut des relations sociales. À la télé. Tu vas quand même essayer de défendre un petit peu ton ami. Bah, ok, d'accord. S'il te plaît. Bien parce que c'est lui, hein. C'est reparti. Bon, vu que, vas-y, je te file la chambre d'amis, y a pas de problème. Ouais, t'es trop un pote, Michel. Michel. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Martin? Il est horrible, ce Jean Didier. Je vais poser mon sac là-haut, du coup, je reviens. Ouais, fais donc ça, ouais. Bon, qu'est-ce que t'as, toi? C'est pas possible d'accueillir Jean Didier. Il est. En plus, il est hyper, hyper rigide. Il va faire comme s'il était chez lui. Et ouais, il va vider le frigo. Bah ouais, le DJ, t'as cru quoi, eh? C'est pas du boulot de petit gars, ça, hein? Ouais, bah attends, il fallait m'appeler. Attends, maintenant que je suis là, je vais pouvoir t'aider. T'as des travaux à faire, ça va me changer. Ah bah, tu vois, Martin, c'est un bon gars. D'ailleurs, j'ai déjà commencé, j'ai pété la cloison entre la chambre d'amis et la salle de bain pour agrandir un peu. Ah bah ça, tu vois, c'est un bon pote. Quoi? Mais c'est pas possible, ça! Bah, c'est très bien, j'avais prévu de faire ça, de toute façon. Ah oui, bah, vous allez remonter la cloison, là. Jour 2, voilà. On fait une petite ellipse, c'est le jour d'après. C'est le matin, et Jean Didier a passé toute la nuit devant la télé à regarder des débilités. À regarder Nagui. À regarder. Et là, c'est le matin. Pléonasme. On a toutes les VHS de Nagui. Okay. Okay. Donc, Jean Didier a passé toute la nuit à regarder des débilités. Michel et Martine doivent partir au travail. Et ils essaient de remuer un petit peu le Jean Didier qui se laisse complètement aller avec des chips partout. Il s'est pas douché. Vous voyez un petit peu la situation? Hi, hi. C'est reparti. Et bienvenue sur Taratata. Aujourd'hui, nous accueillons Christophe Mahé. Bonjour, Christophe Mahé. Oui, bonjour. Jean Didier, éteins cette télé, là. C'est bon, attends. Ah, mais Jean Didier, mon petit gars, il faut se remonter sur les ressorts, là. Oh, ça va pas, c'est quoi ça? Je sais que Nagui, c'est la vie. Mais, tu me comprends, il faut retourner dans la vie, dans la vraie vie. Ouais, mais tu sais, quand il y a pas de caporal, chef ou de clairon, ou quand il y a pas ma femme à côté, je suis paumé, moi, il y a que Nagui, tu vois. Grâce à toi, j'ai trouvé un vrai sens dans la vie. Mais, si tu veux, j'appelle Nagui pour qu'il fasse le clairon et qu'il te donne le réveil le matin. Ça va te booster, ça. Tu ferais ça à toi. Parole d'ami. Toi, t'es mon ami. Alors je fais ce que je peux pour toi, ok? Ouais, bon, en attendant, moi je reste sur le canapé. Et aujourd'hui, dans Taratata, pour la première fois, nous allons appeler un téléspectateur chez lui. Attention, pour qu'il nous demande une chanson en particulier. Alors, nous composons le numéro... Tut, tut, tut, tut, tut. Tut, tut. Ah, bah j'en dis. Vas-y, décroche, Jean Didier. Bah attends, on est chez toi, Michel. Eh bien, il semblerait que le téléspectateur ne décroche pas. Non, attends, je décroche alors. Non, c'est trop tard, tu as laissé passer le coche. Salaud. Salaud. On passe au troisième jour. Tu peux refaire Nagui après, j'ai tout même. De toute façon, c'était un replay. Donc, le troisième jour, Michel et Martine reviennent du boulot et constatent que Jean-Daniel s'est enfermé dans sa chambre et qu'il a dressé des barricades tout autour. Donc comme c'est un ancien militaire, il s'est fait un dédoublement de la personnalité, devenu complètement paranoïaque et a désormais peur de tout le monde, y compris de ses amis. On va voir comment ils vont gérer la situation. Et salut tout le monde, c'est Nagui dans Bien N'oubliez pas les paroles. Salut Muriel, on t'accueille aujourd'hui. Oh pour... Jean Didier, il a encore laissé la télé allumée là. Michel, éteins-moi ça là. Mais... Oh. Bon, il faut faire quelque chose. Michel, t'as fait de l'escalade quand t'étais plus jeune, je te propose de passer par la fenêtre. Mais j'ai escaladé l'arbre du voisin, ça n'a rien à voir, Martine, voyons. Essayez pas, je vais piéger la fenêtre. Ah, pas... Mais Jean Didier, c'est moi, Michel. Ça va, sors de là, voyons. C'est pas Michel, des manières. Je suis sûr que tu bosses pour les Russes. Alors, c'est vrai que j'ai eu une période où j'ai travaillé pour eux, mais c'est fini, je te jure. Bon, j'ai une autre solution, sinon... Ma voisine m'a regardé toute la journée, elle aussi, elle bosse pour les Russes. Je veux plus sortir de cette pièce, j'ai fait des provisions de bière, de toute façon. Michel, il faut absolument que tu ressortes ton déguisement de Nagui, sinon... Tu penses que... Je sais que c'est pas un carnaval, mais faut que tu le redescendes. Mais c'est sacré, Nagui, le carnaval, je peux pas le sortir comme ça, voyons. De toute façon, il y a un seul émissaire à qui je pourrais parler, et c'est pas vous. T'es sûr qu'il faut que je sorte, vraiment? Bah, ah, vas-y, oui. Allez, c'est parti. Mets ton déguisement. Ça me fait mal Nagui, quand même de le sortir hors du carnaval. Quand attends, même. Je vais le sortir de sa petite pochette dorée là. Tu connais la combinaison du code du cadenas? C'est 00. Chut. D'accord, ok. Voilà. Ah, t'es beau comme ça. Je sais, mais c'est pour ça que je veux le sortir qu'au carnaval, putain. Comprends? Bon, va essayer de parler à Jean-Didier. Je pense que si tu te fais passer pour Nagui, il pourra t'ouvrir. Hé, hey, Jean-Didier, c'est Nagui! Quoi? C'est vrai? Ben oui, c'est vrai, tu crois vraiment que je mentirais? Prouve-le! Quelle est la suite de ces paroles? S'il suffisait... Dame! Ok, et maintenant pour 2000 euros! Jean-Didier, tu crois pas qu'on a autre chose à régler que faire semblant de jouer un jeu? Je veux être sûr que c'était bien toi. Bon, ok. Bon, dis-moi, Jean-Didier, qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? Attention, je le neutralise! Quoi? Oh, c'est un piège! Bon, Jean-Didier, maintenant! Lâche-moi! Tu vas te retrouver une femme et tu vas sortir d'ici, là! Écoute, Nagui, mon gars! Fais comme Nagui! N'oublie pas les paroles! Sur ces entrefaits, Gisèle, l'ex de Jean-Didier, va arriver dans l'appartement. Et essayer de... Bien sûr, c'est toi, Léo. Gisèle, bah, c'est oui, ça? Tu es Gisèle, oh, oui. C'est le truc. Tu vas essayer de clarifier un petit peu c'est la situation moment. Et voilà, tu vas essayer de lui expliquer qu'il n'est pas en danger en territoire ennemi hostile. Essayer de rectifier un petit peu ça. C'est parti. Bon, tu comprends pas, lâchez-moi, vous comprenez pas, sans Gisèle, je suis une grenade dégoupillée. Il y a monde quelqu'un est... Mais c'est sa voix. Bah, c'est Gisèle. Mais Gisèle, y a rentre donc, voyons, ah. Gisèle. Ah bah, oula, qu'est-ce qui se passe ici? Quand on a besoin de toi, Gisèle, mais qu'est-ce qui se passe possible, ici? Jean-Didier, il a perdu la tête, Gisèle. Gisèle, je te jure, c'est pas ce que tu crois, c'est pas le vrai Nagui. Et s'il est derrière moi, c'était pour me tenir. Mais je sais bien que c'est pas le vrai Nagui. Il faut tout que je t'explique. Tu sais, j'ai rompu avec toi, mais vraiment, je voulais pas te faire de mal, mais c'est juste que, voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Non, Gisèle, tu vas le reprendre, moi j'en peux non, plus. Non, promis, je m'en occupe. Fais un ménage à trois, je m'en fous. Jean-Didier, s'il te plaît, viens avec moi. Je sais que je peux tout réparer parce que cette personne que j'ai rencontrée, ça pourrait devenir ton meilleur ami. Voilà, il se trouve que maintenant je suis en couple avec Nagui. En couple avec Nagui. Est-ce que c'est pas notre plus beau rêve qui se réalise, Jean-Didier? Mais d'où le ménage à trois, Jean-Michel? Fonce! Jean-Didier, c'est une occasion unique pour que tu deviennes son meilleur ami. Allez, Jean-Didier! Vas-y! Je te suis au pas! Ouais, viens avec moi, Jean-Didier! Nagui, mon amour! Il est dans la voiture. Nagui, tu peux démarrer le moteur, on arrive! Alors, oui, c'est la grosse voiture là-bas, oui. Oui, c'est la limousine, vous avez vu un petit peu. Attendez, mais qu'est-ce qui me prouve encore une fois que c'est la vraie Nagui? On m'a déjà fait le coup. Ah non, mais là c'est le vrai. Ah, je sors regarde, vraiment quand avec on Nagui. Klaxonne, ça fait le générique de Taratata. J'ai pas. Alors, je ne connais pas le générique de Taratata, tu te démerdes avec ça. Taratata. Eh bah, tu vois bien, c'est lui. On arrive, Nagui, on arrive. Allez, viens, Jean-Didier. Donc, Nagui et Gisèle partent ensemble. Et deux jours plus tard... Et ils emmènent Jean-Didier avec eux. Ils emmènent Jean-Didier avec eux. Ah oui, c'est plus possible. Pour finir à une discussion entre Nagui, Jean-Didier, j'arrive pas à croire que je prononce ça, et Gisèle. Tu l'avais pas prévu celui-là, tiens. Au Copacabana, qui est un bar branché voilà, en ville. C'est reparti. Oh, ça me fait trop plaisir d'avoir remis les deux pieds dans la vie grâce à toi. Je peux t'appeler Nag? Bien sûr, tu m'appelles comme tu veux, Jean-Didier. Franchement, ça me fait super plaisir de te rencontrer. Tu sais quoi? Tu pourrais faire un super chroniqueur sur France Inter dans la bande originale. Ah bon? Oh, c'est vrai, je pourrais faire une petite chronique sur l'armée. Mais évidemment, un petit truc humoristique, un peu branchouille, tu vois. On se fait ça, pas vrai Gisèle? Oh bah oui, vraiment. Oh bah Jean-Didier, t'as vu ça, tu vas être chroniqueur avec Nagui. Mais sur oui. La bande originale. Et Gisèle et toi, j'arrive pas à croire que tu te sois remise avec n'importe qui d'autre, je l'aurais pas accepté, mais avec Nag, bah franchement... Bah oui, je sais bien. Ah je sais, c'est vrai que je fais souvent cet effet là. Et zut. Quelle fin, mais quelle fin! J'attendais qu'ils parlent en même temps, Nagui et Gisèle. Ah oui! Alors, j'en aurais pas été capable, je pense. Désolé. Oh là là. Nagui. Ah ouais, non, mais je sais pas quoi dire. J'avais prévu un truc. Mais... Ah ouais, Nagui est arrivé genre au début de l'impro et on est resté dessus. Hein, c'est ce qu'est la fixette. Hein. Je me remercierai plus tard. Je me suis dit, si j'arrête pas maintenant, je c'est... D'ailleurs, bonjour à lui s'il nous écoute. Oui, hein, bonjour Nagui. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est un auditeur régulier, hein, vous savez. C'est un copain, Nagui. Soit des petits SMS pendant l'émission. Ok, merci beaucoup. Avant de passer à la prochaine improvisation, on va écouter Agathe Bonin. Personne avec qui danser. A tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière. 21h-23h sur Indestar. Place à l'impro. Et vous êtes toujours sur Indestar dans J'ai vu de la lumière. Alors je suis entré avec nos quatre comédiens Thomas, Chris, Marie et Clément. Et Duchesse qui vient faire cette magnifique relance. C'est un coup d'état. La Duchesse a pris le coup. Ah oui, un putsch. Donc, on rappelle que l'émission est disponible en podcast, bien sûr, sur Spotify, Deezer, iTunes, indestar.fr. Donc, a priori, vous n'avez pas de raison pour ne pas avoir le podcast sur votre portable, sauf si vous... peut-être si vous vous en foutez. Ou si vous n'avez pas Internet. Oui, si vous n'avez pas Internet. Vous n'avez pas de raison, sauf si vous n'avez pas de réseau. Oh, formidable. Voilà, on voit que le niveau monte après l'improvisation Nagui. Hein. Alors, Nagui, pour ceux qui se posent la question, je ne l'avais pas du tout mis dans mon scénario. Ah bon? Non, non, non. Ah mais c'est cadeau. Il est arrivé et après, je pouvais plus l'enlever. Bah c'est Nagui. Hein, c'est... Ah ouais, c'est... Il est partout quoi, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment. Ça c'est Nagui, on le connaît bien. Hein. Dès qu'il peut s'incruster quelque part, il y va. Et il reste. Donc voilà, ça fait une heure que vous écoutez cette émission. On espère que vous passez un bon moment. Nous en tout cas, je passe un bon moment. Et vous? Oui, oui, oui. Super, super. Encore de encore ouf. Mais oui, t'inquiète pas, il reste déjà une heure en fait. Déjà une heure, ouais. C'est la moitié de l'émission hein, si on y réfléchit bien. Ah, c'est la mi-temps. Tout à fait. Incroyable. Avant de passer à la prochaine improvisation, on écoute Le Grand Mystère, Le Pied de la Pompe. A tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière. C'est jusqu'à 23h sur Indestar. Tout à fait, on est reparti. J'adore Le Pied de la Pompe. Une heure d'improvisation. Le Pied de la Pompe. Oui, le nom de la chanson là, c'était vachement bien. Ah oui, non. Là, en effet, mystère. C'était Lindsay Sterling, We Found Love. Désolé pour ce petit couac, ça arrive. L'improvisation est partout, même dans la présentation. Pour citer François Pérusse, c'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Tout à fait. Cela ne nous regarde pas, tout ça. Bon, ça c'est d'autres, mais bon. On est parti dans l'univers des péplums. Donc, on va avoir une situation qui va se passer au temps des Romains. Donc, les personnages sont les suivants. Il va y avoir l'empereur, qui s'appelle Marc Antonius, sa fille, qui s'appelle Clytomnestre, le gladiateur, qui s'appelle Pitus, et le promis de la fille de l'empereur, qui s'appelle Balladus. Attends, t'essayes de nous guider pour faire un Édouard Balladur, mais romain, là? T'es vraiment en train de faire ça? Il est en train de nous balader, hein. Oh là là. Mais c'est vrai que j'ai pensé à Balladur quand j'ai fait ce personnage. D'accord. Mais ça sonne bien, Balladus, non? Oui, Balladus. Balladus le romain. Caius Balladus. Voilà. Voilà, parfait. Donc, qui veut faire quoi? Donc, il y a l'empereur, sa fille, le gladiateur et son promis. Bah moi je vais faire sa fille. Sa fille, d'accord. Je suis chaud pour le gladiateur. Le gladiateur. Comment d'accord. Il s'appelle? Pitus. Pitus. Bradus Pitus. Inspiré de Pitus. Bradus Pitus. Très bien, ça marche. L'empereur. Oh Thomas. Bon bah. Okay. Marc Antonius. Marc Antonius. Donc je suis le promis Pitus. Et toi tu es la fille. Gladiateur. La fille de l'empereur. Je suis la fille de l'empereur. Et moi je suis quoi alors? Toi tu es. Le gladiateur. Non. Non, t'avais dit quoi tout à l'heure? Bah, j'ai dit la fille, mais je peux être autre chose. Ah non, bah si, t'es sa fille alors. Tu d'accord. Peux être le promis de la fille, moi je fais la fille. Hein, tout ça à fait. Me dérange pas. Bah d'accord. Donc tu es Caius Balladus, Marie. Ah, d'accord. Donc l'empereur. Oui. Tu l'appelles l'empereur? Oui. Oui, formidable. Donc tu as beaucoup de pouvoir, bien sûr, et tu veux marier ta fille. Est-ce que le Sénat, c'est moi? Le Sénat, c'est toi, tout à fait, ouais. T'es un dictateur, tout ça, tout ce qui est le plus classique. Senatus Populus qui est Romanum, voilà. Un truc comme ça, là, voilà. SPQR. Donc tu veux marier ta fille à Balladus parce que c'est quelqu'un qui a un très bon parti, donc tu penses davantage à ta succession qu'au bonheur de ta fille. D'accord. La fille. Oui, c'est moi, mais j'ai pas de nom. Clytomnestre. Ah oui, Clytomnestre. Oh bah bonne chance. Toi, tu veux te marier avec le gladiateur, Pitus, parce que vous êtes déjà vu, tu es tombée amoureuse de lui, et tu ne veux surtout pas te marier à Balladus. Donc Pitus, bien sûr, c'est toi hein, Léo? Oui, Bradus Pitus. Tu es un gladiateur très courageux, et tu as très envie de d'épouser Clytemnestre, bien sûr. Et Balladus. Oui, c'est moi. Voilà, donc tu es un personnage vraiment un petit peu... un personnage un peu de connard. C'est-à-dire que... C'était le personnage pour moi. Tu es un couard, tu es un traître, un félon, un fourbe, un lâche, tout ce que tu veux. Mais tu as très envie d'épouser la fille de l'empereur, Clytemnestre. Pour avoir le Sénat. Ah ouais, non, pas par pouvoir, on est d'accord. Pas par amour. Par pouvoir, oui, bien sûr. Oui, bah oui. Pour le Sénat, bien sûr. Et puis parce que personne d'autre veut toi aussi. Ça, c'est plutôt rien. Pourquoi personne d'autre? Personne tout court, du coup. Oui, personne oui, bien tout sûr. Court. Donc vous l'aurez compris, c'est un petit peu amour, gloire et René, mais autant des peuples. Donc je vais vous demander, non pas de jouer mal bien sûr, mais d'avoir un vocabulaire, un registre de langage assez édulcoré, comment dire, assez soutenu, épique. Astérix, épique, tout à fait. Astérix 6 ans. Non. 6 ans. Astérix 6 ans. Oui, ça se dit. Obélix, dans les milieux autorisés. De l'humour gaulois. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, oui. La première scène, oui. On va avoir une scène entre l'empereur et sa fille. L'empereur va mettre sa fille au courant qu'il veut la marier avec Balladus. Caius Balladus. Caius Balladus, bien ouais. sûr. Premier. C'est bon pour tout le monde? Mm-hmm. Et c'est parti. Ma fille, venez me voir, s'il vous plaît. Oh, père! Ah, vous voilà. J'ai une grande nouvelle pour vous. Mais quelle est-elle? J'ai vu un oracle, et il m'a dit que vous auriez une grande nouvelle. Eh ben, il s'est pas trompé. Il avait effectivement son troisième œil de bien d'ouvert. Le fait est que vous allez vous marier, ma chère. Oh, et serait-ce la personne à qui je pense? Eh ben, si vous voulez, vous pensez à ce grand Pitus, c'est effectivement lui. Comment? Caius Balladus. Ouais, alors non, Thomas, merde. Je te demanderai d'écouter les ah, consignes. Ah, ben, moi je l'ai dit, il y a trop de prénoms, je m'embrouille. Ça, c'est non, ce que alors, j'aurais voulu fille, qu'il me dise. Voilà, ta fille veut se marier avec Bradus Pitus, mais toi, tu veux la marier avec Balladus. D'accord, faut m'excuser, hein, moi, je suis un peu personnel. Mais non, mais ce qu'on vient d'entendre, c'est le rêve de la jeune fille. Et en fait, là, tu me elle réveilles. Se réveille. Et en fait, Balladus. D'accord, parce qu'il va se faire envoyer balader. Okay, bref, c'est noté. Voilà, c'est ça. Putain, des moyens mnémotechniques, prends des notes. C'est reparti. Vous allez épouser Balladus. Comment? Eh oui, c'est un grand gaillard, un très jeune homme, fort dans l'âge, il n'y a pas de problème. Il a un nez crochu et je ne veux pas de lui. Eh oui, mais ce nez crochu, c'est pour vous accrocher. À lui, éternellement. Père, c'est pas parce que vous êtes empereur que vous avez tous les droits. Ah bah cette blague était nulle. Si, justement. C'est pour ça que je suis empereur, majoritairement. J'ai fait un décret en plus récemment qui m'autorise à faire autant de blagues nulles que je veux. Mais mon cœur appartient à ce gladiateur. Ah bah c'est pas mon problème ça, ma chère. Vous allez épouser Balladus et vous allez pas l'envoyer balader, s'il vous plaît. Mon père, ce Balladus n'en a rien à faire de moi. Tout ce qui l'intéresse, c'est votre place. Ne le voyez-vous pas? Mais voyons, ma chère. Moi, si vous l'épousez, au moins, j'aurai une descendance assurée. Merci. Sur ces entrefaits, Balladus arrive dans la salle du trône. Et l'empereur va le présenter à sa fille. Comment il s'appelle déjà l'empereur? Marc Antonius. Ah. C'est reparti. Ah, regardez, voilà qui arrive en plus. Balladus, venez voir. Caius Balladus, oui. Caius Balladus, Antonius, en plus. L'empereur. C'est, voilà, c'est votre donc, futur mari. Et j'espère que vous le traiterez bien, madame. Je refuse un tel affront. Comment ça vous refusez? Je vous rappelle que j'ai fait un décret récemment qui vous empêche de m'obliger quoi que ce soit. Eh bien oui, mais n'oubliez pas que toutes les jeunes femmes en deçà de 20 ans, ce qui est mon cas, peuvent s'exiler et faire une grève de la faim dans le temple d'Athéna. Ah, je l'avais oublié cet article de loi. Sur ces entrefaits et complètement excédés, Clytemnestre fuit la salle du trône en courant. Balladus la suit de quelques mètres. Et au moment où Clytemnestre sort de la salle, elle croise comme par hasard Bradus Pitus, qui est juste là. Et une discussion va arriver entre les trois personnages. Je rappelle que, bien sûr, Balladus est un couard et qu'il va plutôt fuir la confrontation avec Bradus Pitus. Cessez de me suivre! Clytemnestre, mais qu'est-ce que tu fais là, ma douce? Pitus! Tu tombes à Pitus! Voici cet homme que mon père veut me faire épouser! Ce sors ton glaive. Caius Balladus. Oui, Bradus Pitus. C'est donc toi que Marc Antonius a prévu de marier à ma douce Clytemnestre. Je serai marié demain. Ah, c'est ce Bradus que tu crois. Pitus. Pitus, oh mon Pitus, il ne pourra pas m'épouser s'il est mort. Eh bien, Caius Balladus, que te dirais-tu d'un petit défi au milieu de l'arène? Je n'ai pas besoin de défi, les lois sont avec moi. Ah, tu sais très bien il que est j'ai trop droit malin. De vie et de mort sur toi. Très bien. Alors, laisse-moi une chance. Voudrais-tu que je fasse quelque chose de très... Alors, pardon. Bradus Pitus, tu vas lever, brandir ton glaive pour donner un coup à Balladus. Et Balladus, qui est un couard, va se réfugier et alerter le roi de ce qui vient l'empereur. De se passer. L'empereur de ce qui vient de se passer. C'est reparti. Eh bien, Caius Balladus, tu penses pouvoir m'utiliser comme ça, faire de moi ce que tu veux? Marc Antonius! Prends ça! Regarde ce brut... Ah! Brutus est en train de me tuer! Non, non, non, non, tu te réfugies vers le roi! L'empereur. C'est un couard courageux. L'empereur! Tu ne tues pas nos tympans, par contre. Marc Antonius, regarde ce malfrat! Marc Antonius, abbé, ceux qui sont là pour épouser Clytemnestre te saluent! Et alors là, Marc Antonius, tu es peut-être un roi arriviste, mais. Un empereur arriviste, tout ça, intéressé par le pouvoir, mais il y a quelque chose qui te dégoûte, c'est la lâcheté. Et donc Balladus ne te paraît plus digne d'épouser ta fille. Et donc tu vas avoir l'idée de toi-même, de ton propre chef, oh, oui, ça me connaît d'opposer bien, ça. Les deux au milieu de l'arène dans un duel de gladiateurs. C'est parti, je te laisse faire ce petit modèle. Mais vous êtes un lâche, Balladus. Je ne pensais pas ça de vous, c'est honteux. J'ai décidé ainsi que je ne vais pas vous envoyer l'aider tout de suite, je vous laisse une chance, la chance de votre vie. Vous affronterez ce brave gladiateur dans l'arène à midi pile demain. Père, rajoutez des lions. Et on rajoutera des lions et des serpents. Mais voyons, vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez très bien que... Tais-toi, Caius Balladus! Notre empereur tout-puissant a raison. Merci, Marc Antonius. Ave, ceux qui vont se battre pour les beaux yeux de ta douce Clytemnestre te saluent. Oh, Pitus. Mais vous ne pouvez pas, comme ça, laisser votre fille... Silence! J'ai décidé qu'il en serait ainsi. Mais vraiment, c'est pas possible. Utilise ton nez crochu pour te battre. Ça t'est aussi bien. Mais... Sur ces entrefaits, Bradus Pitus et Balladus s'en vont en se lançant des regards noirs. Pendant que Clytemnestre essaye de revenir sur sa décision de demander à son père de mettre des lions dans l'arène. Les serpents, on a le droit aux serpents. J'aime les serpents. Clytemnestre, je te laisse une chance de revenir sur ta décision ou pas, c'est comme tu veux. Il faudra que tu fasses les bruitages. Et Clytemnestre, je te demande de revenir sur ta décision, s'il te plaît. Oh, père, depuis qu'ils sont partis, j'entends des voix. Et reviens. Je crois ta que décision. Je me suis un petit peu emballé à propos des lions. Très bien, nous ne mettrons pas de lions, mais nous mettrons des serpents. Des petits serpents, alors. D'accord, des petits serpents. Mais je veux quand même des serpents. Des vers de terre, ça ira. La rage des dieux s'abattra sur toi si tu continues. Raison de plus. Père. Deux jours plus tard, le combat va bientôt arriver. Et Balladus se rend dans le domicile de Bradus Pitus avec de la bière à la main pour tenter de faire la paix. Marie qui demande c'est qui, c'est moi. Oui, Balladus c'est toi. Balladus c'est toi, oui Marie. T'aurais dû faire la fille. Nécrochute, c'est Balladus baladé, c'est bon. Donc tu te rends chez Bradus Pitus pour, avec deux bières pour c'est moi, tenter de faire la paix. C'est reparti. Bradus Pitus, tu sais très bien que... Regarde, je t'ai apporté de la bière, nous pouvons discuter. Je suis en... J'ai Clytemnestre qui m'envoie aussi des signaux dans ma tête, j'ai vu des oracles. Et je pense que tu pourrais couler une vie très paisible, tu sais, loin de Rome, j'ai des petits terrains avec de belles esclaves. Qu'est-ce que tu essayes de faire là, Caius Balladus? Tu veux m'acheter pour que je renonce à ma douce Clytemnestre? Mais Clytemnestre, tu sais, c'est la fille d'empereur. Est-ce que tu as les épaules assez larges pour supporter cette vie sous l'emprise de Antoninus, Marcus Antoninus? Caius Baladius, tu n'es pas digne d'être le gendre de notre empereur si tu ne connais même pas son nom. Moi, j'aurais bien sûr les épaules. Je suis peut-être de basse extraction, contrairement à toi. Mais moi, j'ai le courage de prendre les décisions qu'il faut et de me battre jusqu'au bout pour ma douce dulcinée Clytemnestre. Oh, mais que vois-je ? Moi qui me rendais chez Pitus, je le vois dans sa chambre avec Baladius. Oh non ! Puisque c'est ainsi, demain, le sort, c'est le sort qui décidera dans l'arène. Ainsi c'en est fait. Les deux prétendants vont se livrer un duel à mort. Et pour ce duel, à chaque fois que je fais un duel dans cette émission, c'est la même chose. Il y aura un duel d'insultes. C'est-à-dire que comme on ne peut pas voir qui gagne ou qui perd, je vais vous demander de vous insulter, comme au temps des Romains, bien sûr, donc avec un registre très soutenu. Oh, 24. Et c'est moi qui déciderai à la fin qui meurt et qui reste. Je trouve que vu que je suis empereur, voilà, je devrais décider... Ah, peut-être. Ouais, non, Thomas, tu vas décider. Très bien. En levant le pouce de manière très radiophonique. Et voilà. Bien sûr, Clytemnestre et l'empereur Marc Antonius, vous assistez au combat et vous pouvez réagir en direct, bien sûr. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui. Et bien... c'est l'oro des JO. Cela ne nous regarde pas. Et c'est reparti. Ave, Marc Antonius, ceux qui vont se battre et s'insulter pour toi et pour ta douce Clytemnestre te saluent. Oh, Pitus. Ave, Marc Antonius. Ah, alors comme ça, maintenant, tu connais le nom de notre empereur, sale fourbe, mangeuse de mangeurs de menhirs. Hydre de Sicile. Ah, étrusque. Rosa, Rosae, Rosum de... Amphore pleine de vinasse. Oh, c'était un coup bas, père. Jupiter des sombres ruelles. Oh, c'est bien lancé. Ah, tu ne vaux pas mieux qu'un conducteur de char bourré au petit matin. Oh là là, comment va-t-il se relever ? Gladiateur de tonneau. Merci beaucoup. Je vais demander à l'empereur... donc les deux combattants sont fourbus et ils regardent avec espoir vers l'empereur qui va lever soit la main gauche pour Bradus Pitus et soit la main droite pour Baladius. Alors déjà je tiens à préciser que c'était un match franchement qualitatif, il n'y a pas à dire là-dessus, malgré le fait qu'il manque les serpents. Les serpents sont le grand absent de cette rencontre. Alors pour cette rencontre, l'empereur décide... Bradus. Bradus. Bradus Pitus. Oui. Brad, je vais l'appeler Brad. Ave, Marc Antonius, ceux qui acceptent ta décision te saluent. Non, pas les lions. Non, les serpents. Les vers de terre. Mort par un vers de terre, s'il vous plaît. Voilà le dénouement. Donc, il, bien sûr, il vécu heureux avec Bradus Pitus et Clytemnestre. Et Baladius, il devient quoi ? Baladius, après, il devient manger par un vers de terre ou pas ? Je vous demande de vous arrêter. Mort par un vers de terre. Ils font de l'RPR et... Bon, je crois que c'est pas lui qui a fondé le RPR. Bon, c'est pas très grave. Donc, merci beaucoup pour cette improvisation, bien sûr. Avant de passer à la prochaine, on écoute le grand mystère avec la chanson Les pieds de la pompe. Ah, c'est trop bien. J'ai vu de la lumière, 21h-23h sur Indestar. Place à l'impro. Place à l'impro, et il est déjà 10h30, hein, ça file mine de rien. Il nous reste deux. Le temps file. Et oui, le temps va, madame. Là, le temps non, mais nous en allons. Waouh, wow. C'est quoi, bon, c'est quoi Je sais plus. Oh non. C'est de Nagui. C'est ouais, c'est Nagui, allez. Avec ce qu'on lui a mis dans la tête tout à l'heure, on peut dire que c'est lui. Voilà, merci Nagui, des bisous. Ça veut rien dire, mais j'ai trouvé que ça fait classe. C'est ça, dans le contexte, ça passe bien. On repart donc chez Multix, cette fantastique entreprise de multiprises. Oui, oui. Multix. Multix, qui est une entreprise, bien sûr, qui fabrique les multiprises. Multix, les multiprises pratiques. Voilà, formidable. Ah, mais il y a un commercial dans Ah, mais un commercial de chez Multix. Techniquement, j'ai piqué l'idée à Usul. Hein. Ah, d'accord, bah bonne ref. D'ailleurs, il y a même une entreprise de girouettes qui s'appelle Girouex, les girouettes qui tournent au Vanx. C'est vrai. Ah, la vache. C'est la dernière émission où t'étais venu, ça, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. J'avais rien refait avec Girouex, je t'avoue. Bah, il y a déjà Multix en même temps. C'était les concurrents, je crois. Donc, on repart chez Multix, donc une entreprise qui fabrique des multiprises. Et donc, les personnages pour cette improvisation sont le boss. Il y a Michel Gasoline qui est dans la vente. il y a Jacques Paillasson qui est dans les ressources humaines. Oh putain. Et il y a Martine ou Martin de la Compta. C'est le nom de famille de la Compta, bien sûr. Parce qu'en fait, il n'est pas du tout à la Compta. Attends, attends, c'est important. Est-ce que par contre, c'est quand même il ou elle est à la Compta ou oui, pas? Oui, oui, oui. D'accord. Martine de la Compta est à la Compta. D'accord, c'est une vocation. Donc Martine de la Compta, de la Compta. J'espère que vous suivez. Moi, j'ai du mal. Donc, il y a une situation de crise chez Multix parce que le boss veut virer Michel Gasoline. Qui est à déjà à la vente. Qui est quoi? À la vente. Ouais. Qui est à la ardoise en fait. Et donc le boss veut envoyer Jacques Paillasson, qui est aux ressources humaines, pour virer bien sûr Michel Gasoline, parce que c'est un petit peu, ça fait partie de son travail. Sauf que Jacques Paillasson a une personnalité un petit peu paillasson, c'est-à-dire que il est très timide, très peureux. Une personnalité paillasson. Non mais j'essayais de mettre des noms un petit peu évocateurs. Bah ouais, c'est je me clair. Sens un peu welcome home. Je suis d'humeur paillasson aujourd'hui. En même temps, tu sens le chiffon carpet. Tu visualises bien un paillasson, tu t'essuies les pieds voilà, dessus. Voilà, c'est ouais, ça, quoi. Exactement. Merci. Non mais ça marche bien. Je te soutiens, Clément. En revanche, Michel Gasoline est quelqu'un de très bourru, de et très qui s'enflamme. Qui sent, ouais, qui s'enflamme ah, un peu. Mais oui. Oh là là, Michel Léo, Gasoline s'enflamme. Mais oui. Oh. Non, mais tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc le boss veut le virer parce qu'il a pas assez de rendement. Il ne vend pas assez de multiprises. C'est pas, il a pas assez de rendement. J'ai une blague de merde parce que c'est vas-y. Du sans-plomb 95. Putain, Gasoline, oui, bah oui. Et pas du 98. Lol. Bah, excusez-moi, pardon. Donc, qui veut faire le boss? Le boss s'appelle juste le boss. Tout le monde l'appelle le boss. Quelqu'un? Christophe? Marie? Moi, je dis c'est... Je viens de faire l'empereur, je vais pas refaire le boss. Bah oui. Allez, moi, je fais le boss. Vas-y, bah la boss, du coup. Bah, elle fait pas grand-chose. La boss. Juste... non bah, elle fait tout. Ah, tu verras. Si, elle fait tu des verras. Trucs, t'inquiète pas. Ah, bah, tu tires okay. Les ficelles. Donc, j'ai pas trop moi, je vais faire la compta pour changer. T'as pas suivi, mais... Ouais, c'est pas grave, t'es boss, t'as pas besoin de suivre. Voilà, c'est ça, c'est pour ça, je vais prendre le boss. Dis oui à tout, okay. C'est la technique. Michel Gasoline, il me faut un Michel Gasoline. Léo. Moi, je veux la compta. Tu veux Martine de la compta de oh, la compta. Oui. D'accord. Michel Gasoline, et eh ben, je vais demander... Oh, Christophe. C'est le RH, c'est ça? C'est le... Non, non, c'est le mec de la vente. Non, très suivi. Oh là là, je vais me faire virer, en fait. Tu vas te faire virer, tout à fait. Et Jacques Paillasson. Eh ben, du coup... Eh ben, Thomas, voilà. Je l'accueille. Je te donne le rôle de paillasson. Pour cette... Je l'accueille très bien. Comme des fois, les buissons dans les pièces, bref. C'est ça, l'arbre. Donc, la première scène se passe dans le bureau du patron. Il y a donc le patron, la boss, et Jacques Paillasson. Et donc le patron doit annoncer à Jacques Paillasson qu'il doit virer Michel Gasoline. Qu'est-ce que je veux dire? Et comment? Jacques Paillasson accueille la nouvelle avec peur, parce que Michel Gasoline est quelqu'un qui lui fait très peur. Voilà. C'est le bully de l'école. C'est le bully un petit peu, oui, tout à fait. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Formidable. Bonjour, je suis Michel de la Compta. Je sais pas. Martin alors, Martin de la Compta. Martin de la Compta. On est parti pour une improvisation chez Multix, tout de suite sur Indestar. Bon, je viens de recevoir là, Michel, mon petit Michel, là, je viens de recevoir les résultats des ventes là, ça va pas oui. Du tout avec Gasoline là. Comment ça? Non mais il faut le virer là, j'ai les résultats sur 6 mois, il vend rien du tout, il a vendu 2 multiprises. C'est un passage à vide, faut pas juger. Non mais attendez, il est passé chez Apple, il a pas réussi à leur vendre une seule multiprise. Apple, c'est des cons. Ils vendent des pommes, ça se fait pas. Non. Mais Michel, vous essayez de le défendre. Oui, parce que j'ai pas trop envie de le virer. Il me fait un peu peur. Le boss, ouais, tu vas lui remonter les bretelles. Là, c'est son boulot. Attends. Je veux du dans ta voix. Bah oui, Michel. Bah oui, Michel, il va falloir le virer là. Hein? Vous allez prendre vos couilles, Michel, et puis vous allez le virer? Bah, si c'est dit comme ça, vous me faites encore plus peur, alors je... Va falloir y aller, parce que c'est vous qu'on va virer un jour, hein? Lâchez cet extincteur, j'y vais, pas de problème. Mais intérêt, plus vite que ça, allez! Nickel. Alors, on va se retrouver donc dans le bureau de Michel Gasoline. son bureau. On commence à avoir beaucoup de Michel parce que. Oui, je m'appelle Michel, il s'appelle Michel, on s'appelle tous Michel. C'est moi Michel depuis le début. Non, toi tu t'appelles Jacques Paillasson. Oui, c'est que la boss l'a appelé Michel Paillasson. Ah, d'accord, ouais, non. Ils s'appellent tous Michel dans mon entreprise. Bah oui, c'est comme ça, Gasoline. C'est plus pratique. Donc, c'est une condition d'embauche. Il y a Michel Gasoline et Jacques Paillasson. Voilà. De toute façon, c'est écrit sur LinkedIn. Hein. Tout à fait, vous les retrouvez. Donc, on repart dans le bureau de Michel Gasoline. Donc, le bureau qui sent la sueur. Voilà. Michel Gasoline est assez beau. Il a des calendriers de femmes peu vêtues. Et il va accueillir Jacques Paillasson avec l'amabilité d'une bouche d'égout, à peu près. C'est reparti. Salut Michel, ça va? Ouais, salut. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de voir. Je trouve ça sympa ton bureau. Non. Il est cool. T'as vu, j'ai un frigo sous le bureau. Tu veux un truc? Non, ça ira, Michel. C'est gentil, mais si je bois, je m'évanouis. Qu'est-ce que tu fais là alors si t'es pas venu boire un coup? Je viens t'annoncer un truc. À ce moment-là, Michel Gasoline va montrer à Jacques Paillasson sa collection d'armes à feu. Et également prouver le fait qu'il est prêt à s'en servir pour chaque désagrément de la vie. Et donc Thomas, bien sûr, tu ne diras pas qu'il est viré. Voilà, tu ne diras pas, tu te pareras avant. Ouais, attends, avant j'ai un truc à te montrer, moi. Je t'ai dit que j'étais parti à la chasse ce week-end avec mon cousin. Ouais, d'accord. Et regarde, il m'a donné ça pour pas grand-chose. Regarde, il y en a 8. Ah oui, c'est joli. Et puis c'est des vrais, hein, c'est des vrais. Avec ça, je peux te dire, on a abattu 47 écureuils. 8 loutres et 3 cerfs ce week-end. Et puis, t'inquiète que s'il faut s'en servir, moi je sais m'en servir, hein, du coup, je peux prendre les 8 dans mes deux mains. Tu sais, t'as pas besoin, hein, de toute façon, je venais t'annoncer une augmentation. Attends, du coup, faut fêter ça, t'es sûr que tu veux pas boire un truc? Non, c'est là, il y a la compta qui m'appelle. Ouais, je veux boire un truc tout seul alors, attends. Voilà. Donc, vous avez compris que Jacques Paillasson est dans la merde. Et donc, il va aller à la machine à café pour essayer de trouver une solution. Et il va rencontrer Martin de la compta. Qui, lui, a un autre problème, qui est un problème d'heures sup non payé depuis 3 mois. Donc voilà, il est excédé. Tu es excédé, Martin. Et toi, Paillasson, tu vas essayer de résoudre son problème pour qu'il résolve le tien. Ok. Est-ce que ça va? Oui. D'accord. C'est reparti. Oh putain, je suis dans la merde. Salut, dans la merde, Jacques. Salut de la compta, ça va? Ouais, tu veux un café? Oui, pourquoi pas, ça va peut-être me donner du courage. Du courage? Ah bah oui, moi aussi, j'en ai bien besoin du courage. Ah ouais, toi aussi, on te menace de te flinguer avec 8 fusils de chasse? Oh là, bah toi, t'as pas assez dormi, Jacques. Hein. Allez, tiens ton si café, seulement. Ça va te réveiller, Jacques. Merci. Ah, ça fait du bien, mais je suis toujours dans la merde. Mais oui, mais tu crois que t'es le seul dans la merde, hein? On est tous dans la merde, Jacques, sur cette terre toute pourrie, là. Ah oui, j'en peux plus. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Eh ben, moi, je suis excédé. Je pense que ça s'entend dans le ton de ma voix, ah, quand oui, même. Oui, effectivement, oui. Je suis excédé. Bien, ouais. Ah, oui, j'ai fait 3 heures supplémentaires le mois dernier, je n'ai toujours pas été payé. Ah oui, effectivement, c'est un gros problème. Bah oui, et puis tu pourrais croire que bah du coup c'est de la faute de la compta. Bah non, c'est moi la compta, donc forcément. Ah oui, c'est juste que la boss elle veut pas me payer mes heures supplémentaires sous prétexte que j'ai travaillé ces 3 heures supplémentaires sous forme de tranche de 3 minutes après l'heure de fin de bureau. C'est un peu excessif comme excuse quand ah même. Ah bah oui, on est bien d'accord, Jacques. Bah oui. Ah bah oui, et qu'est-ce que tu dirais si ça t'arrivait à toi, hein? Je serais pas très content. Ah bah oui, oui. Du coup je sais plus quoi faire, moi, Jacques. Écoute, moi ce que je te propose, tu vois, c'est que tu vas voir l'autre Gasoline là, puis tu lui annonces qu'il est viré. Et moi, je vais régler ton problème auprès de la boss, ok? Attention, il a des armes à feu quand même. Gasoline est viré. Oui, Ah, ça, c'est drôle, ça. C'est moins drôle quand c'est moi qui dois lui annoncer. Bon, allez, si tu veux. Ah, c'est gentil. Mais c'est oui, pour moi, j'ai un certain tact avec les gens. Il paraît que je suis très sociable. Ah, bah ça, en tout cas, on peut pas te l'enlever, hein, c'est sûr. Hein. Bah allez, on fait ça. Mais t'as intérêt à bien me défendre auprès de la bosse. Ah hein. Bah ça, tu comptes sur moi. Ah bah oui, attends, parce que mes 3 heures supplémentaires, c'est quand même ça qui va réussir à me faire acheter le premier fascicule de la collection des petits trains en bois du Jura. Formidable. À partir de là, on va avoir deux dialogues simultanés. Enfin, pas simultanés, mais je vais alterner, je vais faire la balance, ne vous inquiétez pas. Donc on va avoir le patron et Martin de la Conta. Non. Non. Jacques Paillasson et la bosse. Jacques Paillasson, de toute façon, tout est sur LinkedIn. Et Michel Gasoline avec Martin de la Conta de la Conta. Voilà, excusez-moi, j'avais pas LinkedIn. Leçon d'humilité. Ça arrive, j'ai fourché. Donc on retrouve Paillasson et la bosse. Bon alors, mon petit paillasson là, c'est bon là, c'est réglé là, le problème de gasoline. Vous voyez, vous avez réussi quand même, hein. Ouais, bah attendez, d'abord, je viens voir pour un autre problème, parce que ce qui paraît, je suis en forme aujourd'hui. Du coup, bah, je viens voir, parce que ce qui paraît, vous avez pas payé les 3 heures de la compta. Comment ça, là, 3 heures de la compta, là, elle est pas à 3 heures près quand même, il est pas à 3 heures près. Si, parce qu'il veut s'acheter le fascicule des petits trains du Jura qui est ultra cher et ultra important. On retrouve Gasoline et Martin. Ouais, t'es sûr que tu veux rien prendre? Ah, bonjour Michel, si t'as un petit café, je serais preneur. Oh, j'ai toujours ça dans mon frigo, moi, tu veux avec ou sans whisky? Bah disons avec, j'ai jamais goûté, okay. Mais pourquoi pas. Tiens. Ah bah merci. Hey, tu sais quoi, j'ai une augmentation, il paraît. Oh là. Oh mais c'est bon ton truc. Bah oui, ah. Attends. Oh là là, mais attends, mais remets-moi un, vas-y. Whisky, enfin, café. Enfin, quelqu'un qui apprécie les bonnes choses. Ah vas-y, tu m'en remets un. Ouais. Oh là là. Oh là là. On retrouve Michel Paillasson et la bosse. Oui, du coup, voilà, c'est lui du Jura, il en a besoin, ok. Eh ben, il va se les monter tout seul, là, les trucs du Jura, là. Moi, un comptable, j'en trouve un quand je veux, là. Vous allez me rechercher un comptable et on va le virer, là. Mais non, mais... Passez une annonce, allez, mon petit paillasson. Il est sympa, Michel. Il veut juste 3 heures. Mais arrêtez de pleurnicher comme ça. Ça coûte combien? Moi, je paye de mon salaire, si besoin. On revient dans le bureau de Gasoline, de Michel Gasoline, et la discussion se poursuit, et la beuverie aussi, avec Martin de la Conta. Oh la vache, ils sont montés, tes whisky café, ça fait déjà le 8ème. De toute façon, tes heures sup, tu sais où tu veux les mettre. Ah ouais, bah tu sais quoi, je vais t'apprendre un truc, Michel. Michel, tu sais quoi? T'es viré. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? T'as pas le pouvoir de me virer. J'ai une augmentation. Ah non, mais t'as pas une augmentation. Jacques, il s'est foutu de ta gueule. En fait, il voulait te dire que t'étais viré. Oh, ah bah oui. Attends, hey, j'en ai 8, t'en prends 4, on va aller voir. Ah bah. Oh bah attends, voilà une bonne idée. Vas-y, file. Comment on fait? On appuie où? Regarde, ça c'est là où ça sort la balle. Faut que tu le mettes en face. Ok, très bien. Attends, c'est une petite formation rapide. Tu lui mettras en heure sup. Voilà, et allez, on y va. Toi, tu demandes tes heures sup. Et moi, je demande un point de vie. Allez, on fait ça, très bien. Merci, Michel. Marche droit. On retourne dans le bureau de la bosse, où Paillasson essaye de défendre son bout de gras, tant bien que mal. Voilà, donc moi je propose ma paye, ok. Mais Paillasson, vous êtes bien trop gentil là. Il va falloir un peu vous secouer, devenir un vrai bonhomme. De la compta, il fait. Mais c'est mon. Putain, les gars, bougez plus. Marie Alexander. Alors. Bougez plus. Et voici Dark Martin de la compta. Ouais. Et sombre Michel. Ouais, Gasoline, t'inquiète pas, je prends le relais. Alors comme ça, vous vouliez pas nous filer, alors pour moi mes heures sup, et alors pour lui son augmentation, là vous vouliez le virer à la place. Alors vous allez faire l'inverse, ok. C'est-à-dire qu'ils vont me virer moi et ils vont pas te payer tes heures supplémentaires à toi? Bah c'est toujours mieux que d'être viré. Ah bah oui, je veux pas être viré moi. La boss doit prendre une décision, que va-t-il se passer? Il faut virer quelqu'un, c'est elle qui va choisir. Sans se faire tuer. Non, je suis déjà morte deux fois. Alors. Bon, Paillasson. Quoi? Mais pourquoi? Mais non. Paillasson, vous êes une vraie mauviette. Au moins, eux, c'est des bonhommes. Ils ont pris des fusées, ils m'ont affronté. Ça se fait trop pas, quoi. Allez. Paillasson, je vais revenir sur ma décision, même si c'est pas mon style. Donc, avec votre dernier salaire, on va payer les heures sup de Martin, là, de la compta. Et Martin, vous ferez gaffe maintenant à vos heures sup, hein, parce que. Écoutez, moi je suis. Et Paillasson, on vous vire, quoi. Je suis assidu. Allez, au revoir paillasson. Martin, mais, vous reprendrez mais, le poste de DRH, vous reprendrez le salaire aussi de paillasson. Par contre, si j'ai le poste de compta et de DRH, j'espère qu'il y aura un des deux postes qui sera payé en heure sup. Mais bien sûr, on prendra le salaire de paillasson, on le vire quoi. Ah, parfait. Et on peut installer un stand de tir dans la cafette? Bah non, dans le bureau de paillasson. Oh bah oui, super. Et bah parfait. Mais du coup, on peut le garder. Comme ça, une vraie entreprise de bonhomme. Hein, il servira de cible. Voilà. Mais arrêtez, je me trompe. Bon, paillasson, allez pleurer dehors, là. Allez au Pôle emploi, là. Je sais pas, le truc des mauviettes, là. Laissez-nous entre tranquille. Paillasson, allez pleurer dehors. Voilà la vie d'entreprise. On n'a pas cité merci une beaucoup. Seule fois le mot multiprise, quand même. Ah, c'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas grave, ça a joué quand même. Attends, quand même. Mais attends, juste... au moins une dernière fois, Multix, les multiprises pratiques. On te demande un doute, Léo, il y avait du palma chaud dans ta voix, comme ça. Non, pas du tout. Je ne me suis absolument pas inspiré du... Allez où, Jeanne, allez où, Jeanne. Non, pas du tout. Je trouve qu'on est quand même beaucoup en marche hein, dans cette émission. Ouais. Ouais, et puis toi, tu t'es fait tellement marcher dessus, mon pauvre paillasson. Ah bah, j'ai accueilli, quoi. Ah ouais, complètement. Il portait bien son nom. Avant de passer à la prochaine impro et la dernière impro, oh on non. écoute... Oh non, pas la dernière impro. Eh, je suis tout seul. Oui. Mais t'étais tellement passionné, je me sentais pas de t'interrompre. On écoute donc Mash Mike avec sa chanson We Love Rock. J'ai vu de la lumière, 21h-23h sur Indestar. Place à l'impro. Tout à fait, place à l'impro, place à la dernière improvisation de la soirée. Oh non, oh oui, pas la dernière impro. Oh, donc, naturel. Sniff, sniff, sniff. Sniff, sniff, mais oui, vous avez pas la gestuelle, tant pis. Donc on part avec une improvisation qui va partir d'un agent secret très connu qui s'appelle Jean Bond. Pardon pour la blague nulle. Donc Jean Bond va avoir pour mission de s'infiltrer dans une base russe. Parce que les Russes c'est rigolo dans les histoires, je trouve. Je veux faire un Ruskov. Tu veux faire un Ruskov? Et bah tu pourras s'il te faire plaît. Un Ruskov. Yes. Pas de soucis. Ce qui va être rouge. Le russe? Ouais. Ou le communiste? Bah oui, bien sûr. Ah oui, ça se passe en URSS? Ça se passe, on peut dire que ça se passe en URSS. Allez, nickel. Ça a assez peu de, d'importance, rouge. Voilà. D'accord. D'accord, très bien. Alors Léo, vous faites le... Je vais faire le russe. Tout va aller, je t'ai bien. Interprète. Interprète. Tavarish. Quiet, pardon. On reprend, ok, on a Jean Bond. On va avoir Jackie Lafritte qui va être son opérateur, qui va lui parler dans son oreillette, parce que Jean Bond, bien sûr, est seul pour infiltrer la base. Et sa mission, c'est de libérer une diplomate française qui est portée disparue depuis, depuis deux semaines. Ah, classique Mario version James Bond, quoi. C'est un peu Mario, ouais. Ah oui, non, parce que la princesse... Oh, un diplomate, une diplomate, on s'en fout. Et je précise, d'ailleurs, je redis encore une fois ça que... Ça peut être Jeanne Bond. Bah, aussi. Bien sûr. Mes rôles ne sont pas genrés, bien sûr. Ou Michel. Jeanette Bond. Non, Jeanette. Jeanette Bond, c'est encore Bond. Plus rigolo. Donc, qui veut faire Jean ou Jeanette Bond? Bah, allez, moi, je veux faire Jeanette Bond. Jeanette Bond, très bien. Jeanette Bond. Jeanette. Oh, Jane. Jeanette. Qui veut faire Jackie Lafritte? C'est qui, ça, Jackie? Je veux bien être dans l'oreillette. C'est le gars qui est dans l'oreillette, Jackie Lafritte. Tout à fait, ouais. C'est la personne qui va guider Jean Bond. Donc qui, du coup? Toi, Christophe? Bah, formidable, oui. Jackie Lafritte. Et le diplomate, donc Thomas, du coup, je suppose? Oui. Bonjour, formidable. Thomas. Je viens d'arriver, excusez-moi. Il y a ma soucoupe qui vient d'atterrir dans le salon, je suis là. Ok, et toi, bien sûr, Léo, tu feras les Russes. Les Ruskov. Voilà, tout à fait. Tous les Russes. Tada. Donc cette improvisation sera faite à la manière d'un JDR. C'est-à-dire que dire un jeu de rôle. Un jeu je de pense. Rôle, bien sûr. Oui, parce que chaque premier samedi du mois, il y a Aurélie dans la folie sur indestar.fr. L'émission de jeu de rôle sur le thème de Cthulhu. Et là, c'est un jeu de rôle sur le thème de Jean Bond. Donc, Janet. À chaque Janet. Action. Janet Bond. Janet Bond. Janet Bond, pardon. À chaque action que tu feras, donc, Marie, je vais lancer un dé 30 qui déterminera la réussite de l'action. Et qui va donc, activer exemple, des boutons par erreur sur la table. On va faire un petit essai. Si tu veux assommer un garde, par exemple, et que tu fais 27, eh ben tu réussis. Fortement. Ouais. Tu réussis à l'assommer sans bruit. En revanche, si tu fais 2, non seulement t'arrives pas à l'assommer, en plus, il déclenche l'alarme. Et tu te fais mal à la main. Ouais. Voilà. Plus que 15, tu réussis, c'est ça? C'est ça. Ah. Et du coup, en gros, les auditeurs, vous devez nous faire confiance pour le résultat du dé, oui, parce que vous sûr, avez pas c'est l'image. C'est vrai. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Jean Bond, je dirais même. Quoi? c'est Bond. Oh, c'est un jeu de mots. C'était nul. Est-ce que c'est Bond? C'est la fin de soirée, on pardonne à Thomas. Ah, j'assume, j'assume. Je rappelle, c'était l'empereur romain qui avait fait un décret pour avoir le droit de faire des blagues nulles, donc en soi... C'est ça. Ouais, c'est legit. Ok, c'est bon pour tout le monde, du coup? Oui. Oui. Non. On me dit dans l'oreillette que oui. Tovalich. C'est parti pour Jean Bond sur Indestar. Donc au début, Christophe, je vais te demander de guider Jean Bond à travers la jungle où il est. La jungle? Ouais, c'est une jungle. Une jungle russe. Okay. Tu vas lui donner des indications pour arriver jusqu'au camp. C'est la toundra. Toundra. Jean, tu me captes encore, Jeannette? Yes. Ok, quand tu me parles à moi, tu peux parler français en fait, hein, t'es pas obligé. Ah, d'accord. Alors là, normalement, devant toi, il y a un gros arbre avec une grosse liane. Ah oui, je vois. Voilà, il faut surtout que tu attrapes la liane et que tu sautes de l'autre côté du ravin. Ah, mais elle est toute glissante, je n'arrive pas. Alors, je vais faire un lancer de dés. En plus, si elle est toute glissante, je vais mettre un moins 1. Chef. Si ça fait... C'est un 25, donc tu réussis à parcourir le gouffre. Je vais prendre mes gants accrochants avec des petits pics. Voilà, très bonne idée. Ah oh, oui, oh, je vois toute la jungle de là-haut. Voilà, alors maintenant tu passes de l'autre côté du ravin et normalement tu rebondis sur un gros boa qui va te propulser directement sur le toit de... Je vais mettre ma combinaison anti-boa. Mais... Et ma capuche pour protéger mes cheveux. C'était intégré dans ta montre, normalement, tout ça. Ah, ouf. Je saute sur le boa. Et Jean... Jeannette Bond se lance à essayer de rebondir sur le boa. Comme c'est une action qui est digne d'un jeu vidéo et pas du tout réaliste, je mets un malus de moins 5 pour cette action. Et c'est un 5, donc tu ne réussis pas du tout. Zéro. Tu ah, peux... Alors, attends. Tu vas te casser un doigt. Chef. Tu vas te casser le majeur droit et tu atterris juste devant un serpent. Ah, oh, mais il n'y a pas de serpent. En plus, putain. Je me suis cassé le doigt sur les crochets du... mince, excuse-moi, Jeannette, j'étais en train de jouer en même temps à un jeu vidéo et j'ai mélangé. Dis-moi comment hypnotiser ce petit serpent qui est devant moi. Il faut que tu lui parles en russe. Oh, oh. Dis-moi quelque chose de russe, alors. Répète après moi. Est-ce que le serpent va se faire hypnotiser par le langage russe? Oui, oui. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est un 19. Donc le serpent est docile et c'est maintenant ton compagnon. Oh, ça marche. Il vient avec moi. J'en ferai bien, sac à main. Attends la fin de la mission parce qu'il va te guider jusqu'à l'endroit où est retenu l'ambassadrice. Ok, je m'accroche à lui. Jean Bond parcourt donc la jungle. Jeannette Bond parcourt donc la jungle et arrive devant le camp fortifié des Russes. Ah, je vois le camp fortifié des Russes. Ok, ne passe surtout pas par la porte principale parce que t'es pas attendu. Ah Est-ce que tu vois la rivière? Je vois pas la... Ah, il y a une porte secondaire. Il a la canalisation. Il faut que j'enfile... Il faut que je trouve un sous-marin. un sous-marin? Pour passer dans les canalisations? Mais ah, pourquoi pas? Eh bien, très bien. Jeannette Bond va tenter de trouver un sous-marin. Disons qu'il y a une petite rivière à côté et elle va essayer de chercher. Je sais pas quoi dire. Je vais lancer le dé, je mets un malus de 10 quand même. Donc il faut que ça fasse de 1 à 5 pour que ça réussisse quand même. Et le dé tombe, bien sûr. Donc... Et c'est un 3, donc... Il y a un sous-marin dans la rivière. Ben voyons. Tu as trouvé. Et alors il y a une rivière qui sort du camp et qui rentre dans le camp. Donc Jeannette Bond va pouvoir sortir du sous-marin à l'intérieur du camp. C'est reparti. Oui. C'est bon, tu peux sortir du... Oui, je suis dans le sous-marin. Tu peux sortir du sous-marin. Ok. Il n'y a pas de place de parking, je laisse comme ça dans la rivière. Non, mais il faut que tu laisses de côté ton flegme britannique. Souviens-toi de ton frère Jean Bond qui vient de Bayonne. Lui, au moins... Il ne recule devant rien. Ok, c'est bon, je suis prête. Il y a des gardes, tu sais, devant. Oui, alors juste devant vous, oui, en effet, il y a une grande tente. Il y a six petites tentes qui l'entourent. Et il y a, vous voyez... Est-ce qu'il y a des oncles? J'allais la faire. Ça, c'est drôle. Oui, en vrai, c'est drôle. Et vous voyez deux gardes qui font leur ronde. Da, da. Il y a quatre choupes qui sont de coup. Da. C'est comme avec les serpents. Ah mais par contre j'ai perdu mon serpent, je sais plus où il est, je crois que je l'ai laissé dans le sous-marin. Neutralise-les. Ok, je leur parle en russe ou j'enlève ma combinaison. Les deux. Mais la combinaison anti-russe. Ah, tu! Da! Tu! Da! Ah, кто ты? Russe! Кто ты ж ты? Ко? Анушка! Что ты делаешь? Анушка! Анушка! Кто ты? Vodka! Alors donc, Jeannette Bond essaye de se débrouiller en russe et de faire croire quelque chose aux gardes qu'on ne sait pas, nous, en tant que simples français. Mais que le décès. Et c'est un 8. Donc, le russe croit à l'histoire hypothétique de Jeannette. Ah non, attends, 8 bah non, 8. Non, 8, c'est raté, hein, c'est raté. Ah, c'est raté. Ah, c'est raté. Sauf donc, si en russe, c'est l'inverse. Ah là, c'est raté pour Jeannette. Coup dur pour Jeannette. Coup dur pour Jeannette. Elle se fait arrêter. Donc, le russe va commencer à sortir son arme et à lui tirer dessus. Donc, il faut que Jeannette fuit, a priori. Ah, Idus Yonda! Attention, esquive gauche, esquive droite. Idus Yonda! Baisse-toi, saute, Idus Yonda! Saute, esquive gauche. Stop! 20. Donc, tu réussis à éviter les balles. Tu continues. Pardon. Tu te caches derrière une tente. Oh, une tente. Je suis bien cachée. Voilà. Oh, est-ce qu'il y a des signes sur cette tente? Ah oui, il y a des inscriptions. Peut-être que c'est la tente du diplomate. C'est du cyrillique. Du cyrillique? Ah non, c'est du français. Ah. Il y a écrit quoi? Mais dis-moi ce qu'il y a écrit que je puisse... Il y a écrit ici, J, diplomate. C'est une tente ou un cimetière? Alors non, la diplomate n'est pas morte. C'est peut-être du russe en fait. Oui, c'est du russe, donc tu ne comprends pas Jeannette Bond, c'est pas ça du tout. Donc du coup, tu vas essayer de t'infiltrer jusqu'à la tente principale où est sans doute détenu, à ton avis, le diplomate. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit, mais il faut que j'aille à la tente principale. Je pense que c'est la grosse tente dorée là-bas. Quatrième allée à gauche. Ah oui, c'est vrai, j'avais un plan. Jeannette, mais tu es vraiment dissipée aujourd'hui. Voilà, tu es arrivée. Oui. Et alors qu'elle est juste à côté de la tente, Jeannette entend le capitaine russe du camp qui est en train d'interroger le diplomate. Ah, je t'entends dire rien, c'est Oh, je comprends rien, mais frappe-moi plus fort! Vas-y! Ah! Oui, vas-y! Toi, pas vouloir répondre à mes questions! Alors, Thomas, non, tu ne peux pas être. masochiste! Et pourquoi pas? Il est 23h. C'est la fin de soirée. Oh, ça m'a plu! Bon, Thomas, un petit peu de crédibilité. C'est un russe, c'est effrayant, voilà, tu es effrayé. Oh non! Le régime communiste! Non, arrêtez! Non, le régime communiste aura raison de vous, sales occidentaux! Je défends le capitaliste! Le seul vrai régime! Arrêtez! Réponds à mes questions! Jamais, jamais, je ne laisserai! Réponds! Communiste comme vous! Réponds! Alors, s'il te plaît, dis-moi, qui sera votre prochain président de la République? Ah oui, alors là, vous savez, c'est quand même vachement compliqué comme question, parce que, vous voyez, d'un côté, il y a Macron, quoi, mais de l'autre, il y a Le Pen, donc on sait pas vraiment, en fait. Silence! Jeannette Bond entend cette discussion et s'apprête à intervenir pour libérer le diplomate. Oh, il faut intervenir. Tant pis, j'y vais. Au nom de la reine! Alors... Jeannette aurait pu faire quelque chose de discret, de succinct, mais elle choisit de se révéler, de révéler sa présence au capitaine des gardes qui peut très bien appeler tout le monde. Sachant qu'il y a déjà un garde qui l'avait repéré. Sachant qu'il y a un garde qui l'a repéré. Donc, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je lance un dé? Ouais, vas-y. Je vais lancer un dé. Disons que une réussite, c'est de 1 à 10. Voilà. Non, c'est un 22. Oh donc, non. Jeannette, il y a un garde qui arrive derrière toi et qui t'assomme. Oh, ce n'est pas possible. Ah bah si. Oh alors non, c'est en off, voilà. Et tu te réveilles un jour plus tard avec le capitaine russe qui va essayer de te faire parler, de savoir ce que tu fais ici, d'où tu viens. C'est reparti, un jour plus tard. Jeannette. Alors, comme Jeannette. Ça, vous êtes Jeannette Bond. Oui. Ah, ça y est, le réveil. Vous vouliez... Libéré ouais. Diplomate. Ça fait un jour que j'essaie de l'appeler quand même. Mais... Pourquoi vous ne répondez pas à ma question? Est-ce que vous êtes en communication avec quelqu'un? Jeannette. Non, pas du tout. Jeannette, si tu m'entends, lève le petit doigt. Ok. Ok. Ils ont pas vu que t'avais une oreillette. Pourquoi toi lever petit doigt? Qu'est-ce que toi faire? Moi, être britannique. Ouais, d'accord. Bon alors, qui t'envoie? Qui m'envoie? Attention, dis que c'est Macron, parce que a priori, c'est des Russes qui ont un double service. Ah, c'est Macron. Macron. Mais... Et à ce moment-là, Jeannette, je vais t'autoriser un lancer de dés pour essayer de défaire Télia. Sachant que tu es attaché dans le dos. Et c'est un 15, donc tu réussis, mais tu te fais mal au poignet quand même, parce que c'est pas une réussite dingo dingue. C'est reparti. Macron. Donc, c'est celui qu'on espionne qui t'envoie en contre-espionnage. Moi, pas très bien comprendre tout ça. J'ai besoin d'une petite vodka. Laisse-moi me retourner un instant vers cette étagère en vous quittant des yeux une petite minute. Ah ! Jeannette, donc, tente d'assommer le capitaine et c'est un 2. Donc... Oh non. Avant Raté. D'arriver, Jeannette glisse sur une flaque de vodka. C'est une flaque locale pour faire tomber les gens. Ça arrive. Ça remplace un peu notre traditionnel pot de banane. Mais dans sa chute, on va dire qu'elle pousse le capitaine qui se retrouve par terre lui aussi. Oh. Or, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu es libéré? Ne te relève pas, je suis dans la vodka, c'est très très bon. Je suis l'oreillette. Qu'est-ce que tu fais par terre? Relève-toi. Alors comme ça, tu veux te battre? Tu vas voir ce que c'est la boxe à la russe. Oh. Ok, battons-nous. Allez, viens là, Jeannette Bond. Jeannette essaye de décocher un crochet sur son assaillant, mais elle rate, c'est un 12, elle tape dans le vide. Son opposant riposte avec un crochet en plein sur le pif, c'est un 15. Et Jeannette assène un uppercut qui le met KO son assaillant. Vodka. Oh, bien joué, Jeannette. Yes. Maintenant, demande-lui où il a mis le diplomate. Les clés de la tente. Demandez où il a mis le diplomate. Il est inconscient, calmez-vous. Tu vas parler, oui. Je sais que tu me caches des choses. C'est pas grave, je vais prendre mon plan. Je suis une noyade, je ne vois pas tout. Et alors, les clés d'une tente, j'avoue, c'est quand même concept. Cette équipe de bras cassés. Je vais prendre mon plan. Ok. Et donc, Jeannette, tu peux essayer de localiser le diplomate qui... Ça y est, je l'ai localisé. Il faut que... J'espère qu'il n'y a plus de garde maintenant, parce que c'est trop fatigant. Non, je pense qu'il est 18h30, ils sont tous rentrés chez eux. Tout à fait, ils sont rentrés chez eux. Et Jeannette, tu arrives au niveau du diplomate et tu vas lui dénouer les liens. Ah, oh, je suis alors, là oui, non, parce que vous savez, oui, Marine Le Pen, Macron, bon, c'est compliqué, quoi. Non, parce que, franchement, d'un côté... Écoutez, il faut faire vite. Taisez-vous, shut up. Ta gueule. Il faut défaire les liens, là. Aidez-moi au lieu de parler. Tu fais un 7. Donc, tu ne défais pas ces liens, tu les resserres. En revanche, tu peux le transporter. Tu peux essayer de le transporter vers le sous-marin, par exemple. C'est une bonne option pour fuir la base. Bon, écoutez, c'est des nœuds. C'est des vrais nœuds. Je n'arrive pas à les défaire. Alors, vous allez me suivre sous-marin. J'ai même pas de couteau sur moi. J'ai combinaison sans poche, c'est ça. Porte-le, Jeannette. Ouais, ok, venez sur mon dos. Oh, je sais pas, parce que franchement... Non, ta gueule, viens sur mon dos, ok? Oui, bah si vous insistez... Maintenant, alors... j'en ai marre de me battre. Alors maintenant, j'ai envie de rentrer, boire le thé and that's it. So, tu vas sur mon dos, ok? Si, c'est de demander si gentiment, y'a pas de problème. Va sur le dos, putain! Mais je monte sur le dos, y'a pas de problème. Ainsi donc, le diplomate est sur le dos de Jeannette. Elle va tenter de se retirer discrètement jusqu'au sous-marin. Et elle fait un 25, elle réussit. Et donc, arrivée au sous-marin, les deux compères peuvent retourner dans leur pays. Et la mission est accomplie, bravo. Ouais. Je vous retrouverai, Jeannette Bond. Never. Merci beaucoup, bravo, c'était pas facile, hein. Avec les liens qui se resserrent. J'avoue, les G2D n'ont pas été très favorables à Jeannette Bond. Oh, il y a eu pire encore. Ouais, j'y crois. Je pense que son cousin Jean Bond aurait peut-être eu plus de succès. Peut-être. Peut-être avant de passer à la dernière partie de cette émission, le petit débrief, on va écouter Mia Rose avec la chanson Let Go. A tout de suite sur Indestar. Des bisous. vue de la lumière, 21h-23h sur Indestar. On est de retour pour J'ai vu de la lumière. Alors je suis entré. Voilà, c'est la fin de l'émission. Oh, les gens sont chauds comme jamais, et déçus comme jamais, comme à chaque fin d'émission d'ailleurs. Mais oui. Tristesse, enfer et damnation. Tout à fait. Est-ce que vous avez passé un bon moment dans cette émission? Oui. D'accord. Je lance le dé pour savoir. Et c'est un 2. Un 2, donc pas beaucoup. C'était bon, une émission de merde. Et 2 sur 30. Une des stars, voilà. Non, mais attendez, ne fait que des 2 aussi. Donc, bah, merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. On espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a passé un bon moment. Je vous rappelle que l'émission est disponible en podcast sur le site d'Indestar, sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify, sur plein d'autres plateformes de podcast. Donc vous pouvez nous retrouver quand vous voulez, nous écouter quand vous voulez. Voilà. C'est quoi un podcast? Un podcast, Léo Candide? Duchesse. Duchesse, pardon. Tu vois, je t'avais dit. C'est un petit fichier qu'on télécharge et qu'on peut écouter quand on veut. Trop bien. Sans besoin d'internet. Mais c'est dans génial. Mon premier livre pour enfants, oui. Pichon au pays des schlags, ah, c'était pichon. Quand même magnifique. Peut-être qu'il y a un bouquin à écrire maintenant, du coup. Hein. Ah ouais, chaud. Mmh. Ah ouais. Ah ouais. Non, je suis pas sûr. Je réaliserai l'adaptation au cinéma et. Ah merci. Pichon d'accord. Au pays des schlags. Je vends les droits très cher en revanche. Ah zut. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour finir, un petit coucou, au moment de faire un petit peu de promo, si vous voulez? C'est pas forcément te remercier pour cette invitation beaucoup. Et cet super moment qu'on a passé. Bah de rien, c'était un plaisir. Et après, puis si certaines personnes aiment l'improvisation théâtrale, oui. Et que vous nous écoutez en podcast ou en direct, mais avant samedi, sachez que samedi soir, chez Dini, du côté de Loche, il y a un match d'improvisation. Tout à fait. Voilà. le Tour Impro Club reçoit les mercenaires de l'impro. Et je serai assistant arbitre. Et je joue parmi les mercenaires. Ah, tu joues, c'est cool. Bon, bah, vu qu'on en est à l'instant promo, sachez que. Alors, on va passer à autre chose, si vous voulez. Tous les comédiens du conservatoire de Tours font tout plein de représentations un peu tout le temps. Surtout là, on arrive à partir de mars. Là, il y a plein de représentations. Donc, tous les cycles, les cycles professionnels présentent des spectacles. Après, en avril-mai, il y a les autres cycles qui s'y mettent. Donc, renseignez-vous. C'est sur Facebook, sur probablement le site du conservatoire, je croise les doigts pour que ce soit le cas. Mais voilà, venez voir, parce que c'est gratuit. Vous pouvez venir voir du théâtre fait par des étudiants en théâtre et c'est super chouette. Tout à fait. Marie, un petit mot pour finir? Ah bah merci, moi je me suis bien amusée, je me suis régalée, je reviendrai dès que possible. Cool, formidable. Avant de finir, je vais demander à chacun de dire le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin, Léo. Kawabunga! Thomas? Brutalus. Christophe? Multiprex. Nagui. Nagui. Il est encore là. Toujours. Et moi je dirais Schlag. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour J'ai vu de la lumière. Alors je suis entré, l'émission d'improvisation scénarisée. Merci à tous, des bisous. Des bisous. Ciao, ciao. Bye bye. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.